écoutez Radio Veillez et Priez, une radio web chrétienne qui diffuse les enseignements sur la fin du temps et le retour de Jésus-Christ. Jésus, sois le centre, mon ami, voici comme tu es agréable ton cœur, comme des rassemblés pour toi, chantons Jésus, sois le centre, voici rassemblés. Jésus, roi le centre, nous voici rassemblés pour t'adorer, te regarder, te glorifier à jamais. Nous voici rassemblés pour toi. Ô Père éternel, notre Dieu, toi Seigneur, nous te rendons grâce, nous te glorifions encore ce soir, Seigneur, parce que tu as permis le rassemblement encore ce soir de ton peuple, Seigneur. Nous t'élever, te glorifier, te magnifier, Seigneur, parce que tu es notre Dieu. Merci pour ce que tu fais dans notre vie. Et de le voir, Seigneur, parce que nous voyons encore ta main dans nos vies, Seigneur. Père, tu es Dieu, tu es roi. Merci pour les œuvres des ténèbres, Seigneur, que tu nous aides à dénoncer, Seigneur. Nous voyons ta puissance, Seigneur. Mais pas nous, ô Seigneur Dieu. En ce temps, Seigneur, que nous avons pris, Seigneur, de te servir, Seigneur, dans la la femme de la sainteté, bonsoir. Point pile à l'heure, n'est-ce pas? On peut commencer ce soir. Oui, souvenez-vous, à chaque fois, bonsoir mes soeurs, bonsoir à vous toutes qui êtes connectées maintenant. Aux nouvelles venues, veuillez les donner les instructions de la connexion. Parce que quand vous mettez vos écouteurs aux oreilles et qu'il y a ce bruit-là, c'est vraiment désagréable. Et puis, grave encore pour le cas de l'écoute. La réécoute sur la chaîne Bambaiba, pour ceux qui veulent écouter les enseignements, ce n'est pas évident pour eux. Et également, pour celles qui viennent d'arriver, ce n'est pas aussi évident. Vous voyez là, il y a des bruits en fond dans un endroit, il y a des enfants, et on a ouvert le micro là-bas. C'est pas bon. Donc, vous avez des... J'espère que c'est compris maintenant et quoi, ça s'est stabilisé. Donc, pour les nouvelles venues, comme vous venez d'entrer, lorsque vous... Mon micro est fermé, mon frère. Oui, moi-même, je respecte la règle au point où je ferme mon micro en parlant. Donc, vous voyez. Alors, donc, je m'excuse. Bonsoir à vous toutes. Je disais donc à toutes celles qui viennent d'arriver, qui viennent d'être connectées au groupe, si vous m'entendez, veuillez fermer vos micros. Et particulièrement pour celles qui se trouvent dans une salle où il y a des bruits, veuillez fermer les micros. Vous êtes dans une salle où il y a des enfants qui bavardent, veuillez plutôt écrire, quelqu'un se chargera de lire. D'accord, mes soeurs bien-aimées? On peut commencer, n'est-ce pas? Allez, commençons donc maintenant. Connexion n'est pas bonne. Hein? Tu es belle, mon ami, comme Tirza, agréable comme Jérusalem, mais terrible comme des troupes sous les bannières. Détourne de moi tes yeux, car ils me troublent. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendus au flanc de Galaad. Tes dents sont comme un troupeau de brebis qui remontent de l'abreuvoir. Toutes portes des jumeaux, aucune d'elles n'est stérile. Ta joue est comme une moitié de grenade derrière ton voile. Il y a 60 reins, 80 concubines et des jeunes filles sans nombre. Une seule est ma colombe, ma parfaite. Elle est l'unique de sa mère, la préférée de celle qui lui donna le jour. Les jeunes filles la voient et la disent heureuse. Les reines et les concubines aussi, et elle la loue. Qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme les troupes sous leur bannière? C'est par ces paroles romantiques que le Saint-Esprit qualifie l'épouse du Seigneur lors de leur réunion, après les noces et les visitations du jardin, pour faire connaissance l'un et l'autre. Une fois encore, par ces mots, colombe, parfaite, préférée, comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible, tels sont les qualificatifs de celles sur qui le Seigneur a jeté son dévolu. La femme épouse du Seigneur doit donc être parfaitement pure, comme mon grand frère l'a signifié dans Éphésiens chapitre 5, verset 8 et suivant,

Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la statue parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leurs ruses dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, c'est-à-dire le Christ. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice, de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. C'est ainsi qu'il est écrit dans les trois livres que nous venons de lire, le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 26 et 27, Éphésiens chapitre 4, verset 8 à 17, puis Éphésiens chapitre 5, les versets 3 à 5. Bonsoir et bienvenue. Nous allons commencer maintenant de pied en plis. Où se trouve la sœur Reine? La sœur Reine, est-ce qu'elle est connectée ici ce soir? Je suis là, mon frère. Voilà. Alors, lecture, y a-t-il des choses qui ont été postées sur le forum? Le temps pour nous de dire bonsoir à la sœur Natoucha qui vient de se connecter, la sœur Elsa qui également vient de se connecter. Alors, j'ai déjà deux noms sur ma feuille ici. Je crois que je vais encore en noter d'autres encore que je vais les désigner normalement pour parler. Avant qu'on ait... Oui, mon frère. Oui, il y a des choses. La sœur Esther Belibi. Bonsoir à toi et bienvenue. Oui. Vas-y, ma sœur, tu as la parole. La sœur Reine. D'accord. Je vais lire... Ça a été posté en journée, celui-ci. Oui, je vais le lire. Je lis en anonyme. Donc, elle dit, je vais vider la poubelle. Je sais que le Seigneur m'a pardonné, qu'il me pardonne encore et encore. Ma mère a voyagé, elle m'a laissé au pays à l'âge de 3 ans chez ma tante. À l'âge de 4 ans, je me rappelle, c'est comme un film qui passe devant moi. J'avais un petit voisin qui vient toujours chez ma tante. Les grands nous enfermaient dans une pièce. Il couchait avec moi dans les toilettes aussi. Ma mère était avec un homme marié. Pendant qu'elle était avec cet homme, elle l'a trompé elle a trompé avec un autre. Ce qui était un grand marabout. Okay. Elle était tombée enceinte de moi. Elle a dit à l'homme avec qui elle était que c'était son enfant. Et il savait qu'elle l'avait trompé. L'homme en question, entre parenthèses, le marabout, était le mari de la cousine à ma maman. Les enfants de la cousine à ma maman ont grandi avec moi et ils me couchaient par force. Wow. Ils sont mes cousins parce que c'est les fils de ma tante, et mes frères parce que c'est les fils de mon père. Je ne savais pas ça car ils le cachaient. J'ai eu aussi des attouchements par des grands de la famille. Et ils étaient âgés entre 40 et 50 ans. Depuis toute petite, je disais, je vais rester avec un homme jusqu'à la mort en voyant ce qui s'est passé. Vaut mieux continuer seule. J'ai eu mon premier copain à 12 ans et lui, il en avait déjà 22. On est restés ensemble pendant 3 ans, puis je l'ai laissé. En France, ma mère avait un ami. Pendant que j'étais aux toilettes, il est rentré, il m'a vu, il est resté à me regarder. J'ai eu un autre copain qui me forçait à boire son sperme au fur et à mesure Je prenais plaisir à lui faire. Il m'a engrossé, puis m'a fait avorter, parce qu'on n'était pas prêt à devenir parents. Après 2 ans et demi, je l'ai laissé. Je l'ai laissé tomber. Pardonne-moi, je me suis un peu perdue. Voilà. Après 2 ans et demi, je l'ai laissé tomber. Je me sentais tellement sale. Je disais, est-ce qu'un homme me prendra? Parce que tous ceux qui s'approchent de moi, je leur dis mon témoignage. Que le Seigneur Jésus-Christ me pardonne encore pour tous mes crimes. Je ne mérite rien du tout. J'avoue que jusqu'aujourd'hui, quand je pense à ça, je dis, je ne mérite pas la grâce de Dieu. Voilà, mon frère. Je crois que c'est tout ce qui a été posté aujourd'hui, en journée. Merci, ma soeur. En lisant ça, toi-même, tu frissonnes. Pourquoi, ma soeur? Ah, mon frère. C'est des histoires qui sont assez délicates. Et là, nous trouvons dans le corps de Christ avec tous ces bagages-là. Exactement. Et j'en tremble encore parce que ça fait quelque chose quand même. Oui, cette personne s'est écrit qu'à l'âge de 4 ans, elle est allée chez son parent. On a commencé à coucher avec elle à 4 ans. Je ne pense pas qu'un enfant a un corps où si on couche, on ne peut pas remarquer. Je ne sais pas si cette personne est au milieu de vous ce soir et en train de nous écouter, qu'elle nous donne encore davantage d'explications. Si elle n'a pas eu des douleurs, des infections, comment on a géré cela dans la famille, personne n'a-t-il remarqué quoi? Et comment on a géré cela? Parce que c'est une série et son premier copain à 12 ans. Vous parlez des mineurs à 21 ans en France. Mais moi, je peux en dire plus. Comment, ma soeur? Je peux en dire plus. Comme tu as la parole, parle alors. Dans le sens où, moi aussi, j'ai bon, on va dire, je n'ai rien dit de nouveau de tout ceci. Mm. Moi, je crois, j'avais entre presque le même âge, 5 et 6 ans. Mm. Et donc, je vivais avec effectivement ma tante. Et j'avais une cousine éloignée du côté paternel qui était très très, je sais pas si c'était la jalousie, elle était plus grande parce que je crois qu'elle devait faire le CM2, donc elle devait avoir 15 ans. Mais elle était vraiment très très méchante envers moi, très très méchante parce que je vivais pas avec ma mère et à chaque fois quand ma mère venait nous rendre souvent visite, elle m'apportait des vêtements et tout. Bon, après, je ne sais pas si c'est ça qui engendrait parfois de la jalousie. Et donc, cette cousine, il y avait des moments où elle m'obligeait parce qu'elle me battait. Elle me battait vraiment. Et vraiment, vraiment je vais taire la manière dont elle me battait parce que c'était très atroce. Mais bon, j'avais tellement... Elle me terrorisait parce qu'à chaque fois quand elle me disait de faire quelque chose, elle me battait. Et donc, pour arriver à ce sujet... Elle me forçait souvent à passer, j'avais mon cousin, parce que c'est vraiment, je m'attends, c'est la petite sœur à mon père. Hein. Et mon cousin, il était aussi, il avait peut-être 4 ans. Elle obligeait souvent, quand mon cousin était endormi, de le toucher. Elle m'obligeait à faire des choses avec lui. Et si je ne le faisais pas, elle me battait. Il y avait des moments où elle me prenait, elle écartait mes jambes comme ça. Elle prenait même parfois des objets, en fait. Elle utilisait ça. Ça me faisait mal, mais je ne pouvais pas parce que quand elle me battait, j'avais encore plus mal. Parce que quand elle me battait au point de me faire manger mes selles, en fait. Ça, c'est réel, hein. Je ne raconte pas des fables. Elle me battait au point où, quand j'en avais marre, je lui disais, arrête, je suis fatiguée, je vais aller aux toilettes. Elle me disait, tu fais les selles là-bas et tu les manges. Et ça, je le faisais. Et donc, je n'avais pas d'autre choix de faire, en fait, ce qu'elle me demandait de faire. Et donc... Avec ça, une fois, nous sommes allés chez une, on va dire, une tante, une grand-mère, où elles étaient, moi j'étais un peu plus petite, et elles avaient l'âge de 15 ans. Donc elles faisaient souvent, elles se déshabillaient souvent, elles marchaient, elles faisaient des défilés, genre comme des femmes à la télé, sans slip, sans machin. Et je me rappelle comme ces choses-là, moi je connaissais déjà un peu ces choses, parce que je les faisais, même sans le vouloir, je les faisais. Et donc, on avait un voisin qui avait... Il devait avoir entre 18 et plus. Et donc, à chaque fois, il me voyait, il me dit, ah oui, tu es une belle petite fille, machin. Et un jour, il m'a amenée dans sa chambre, il m'a pénétrée, j'avais même pas 6 ans. Et comme... Bon, moi, j'ai pas peur d'utiliser les termes. Comme il avait un pénis tellement gros, et moi, je suis qu'un enfant, c'est normal. Et je sais pas s'il était conscient du fait que ça ne passe pas, parce que, en fait, c'est pas possible. Mais moi, j'étais là dans le lit, comme ça, je n'ai même pas crié, pour moi, c'était... C'est comme si c'était normal. J'étais dans le lit comme ça. Je faisais ce qu'il avait à faire. Mais ça fait mal, mais après c'est passé. Et j'ai jamais rien dit à personne parce que j'avais même pas pourquoi je parlais. Et ce que j'ai dit aujourd'hui, personne ne le sait en fait. Même ce que cette cousine me faisait, personne ne le sait. Même mes parents ne le savent pas. Et tellement elle me terrorisait. Et j'ai grandi avec ça. Et c'est comme ça que de cet âge-là, jusqu'à ce que je rencontre le Seigneur, c'était la masturbation, mais la vraie. Pour moi, j'avais pas besoin d'un homme. J'avais vraiment pas besoin d'un homme. Pour moi, j'arrivais à... Et quand on a pris le verset qu'on a lu dès le premier jour de cet enseignement, en fait, c'est ça. Tu te dis que tu es un enfant, tu es vierge, tu ne veux même pas entendre parler d'homme, mais en fait, tu connais tellement de choses que si on ouvre ce cerveau-là, on va voir qu'il y a... On n'en reviendrait pas, en fait. C'est ça, ma vie. Depuis que je suis grave là, je me suis toujours masturbée. Je ne sais pas comment, mais ça a toujours été ça. Jusqu'à ce que je rencontre le Seigneur. Et à un moment donné, quand j'avais pris cette habitude, que même en classe, hein, comme ça, il suffisait d'un... Comme ça, pendant que le maître à l'école primaire, qu'il est en train de faire son cours, il suffit seulement que je trouve un moment, et c'est parti. Et personne ne se rendait compte. Et c'est... Quand on est dans cet état-là, c'est... Je ne sais pas comment expliquer. Et donc, pour moi, c'était normal. À un moment donné, comme tu disais, mon frère, on se rend compte que ce qu'on fait n'est pas bien. J'allais souvent sur Internet, je cherchais. Quand j'ai même commencé les études de médecine, je cherchais. Mais tout ce qui va... Tout ce qu'on trouve sur Internet, du côté scientifique, ça ne fait qu'empirer ça, parce que ça te dira, ah non, la masturbation, c'est bien, parce que c'est bien comme ça, ça rajeunit, ça machin. En tant que médecin aussi, moi, ça ne me dérangeait pas. Donc, du coup, je disais, personne ne dira que quand on cherche sur Internet, personne ne dira que c'est mauvais. Et dans le monde, même si tu discutes avec tes amis, personne ne te dira que c'est mauvais jusqu'à ce que tu sois confronté à la parole de Dieu qui te dit, mais en fait, tu étais complètement à côté de la plaque. Donc, pour moi, c'était tout à fait normal. Même si j'avais un copain, pour moi, il me servait à rien, en fait. Et donc, avec ça, je pense qu'avec mes 4 membres ne me suffisaient plus. Donc, il fallait que j'achète des gadgets. J'en achetais des gadgets. Quand j'ai eu le courage d'aller dans un sextoy, j'ai acheté des gadgets, j'ai machin. Et là, franchement, j'avais tout vraiment pour qu'un homme ne me dise rien. Et en plus de cela... Donc, je ne pouvais rien demander à personne. Donc, ça ne me dérangeait pas du tout d'être seule. Et c'est comme ça que j'ai continué. Par la grâce de Dieu, quand on s'est rencontrés, que j'ai eu ma délivrance, ce jour-là, quand je suis rentrée, j'ai tout ramassé. Les films pornographiques que j'avais dans mon truc, j'ai tout effacé. Mais c'est parti comme ça. Après, juste une prière. Mon frère. Je me souviens bien de ces soirées où tu m'as bien lavé après les insultes. Que Dieu te bénisse. Alors, ma soeur, chaque soirée, vous me surprenez. Vous allez me donner les mots de TDC à la fin. Ta série, c'est que tu mangeais le caca. J'aimerais bien revenir quand on revient sur ce cas-là. Tu dis que tu avais quel âge? J'avais entre 5 et 6 ans. Donc, tu vis avec quelqu'un, cette personne te menace au point où tu fais les selles et te demande de prendre et manger. Tu prends, tu manges avec ta main et tu mets dans ta bouche, tu manges. Ah, mon frère. Et cette personne te regarde comme ça. Si je faisais pas ça, c'était la mort. Parce que quand elle me battait souvent, on avait des lits en étage là. Mm. Elle était du premier étage. Moi, j'étais toute petite. Imaginez une petite de cet âge là. Elle me mettait à plat toute nue et elle quittait du haut et tombait sur moi. Donc, je sais pas comment j'ai fait pour vivre en fait. Et les écartinus sur toi, les gens de la famille ne remarquaient pas de traces ou quoi que ce soit, on ne regardait pas. Fallait pas qu'on remarque, parce que je savais que si on remarquait, je crois que celle-là serait capable de mettre du feu sur moi. Mmh. Et j'ai tellement peur, J'étais obligée de cacher. Et à chaque fois, quand ma tante, elle, même jusqu'aujourd'hui, elle ne le sait pas. Chaque fois quand elle rentrait, elle remarquait toujours que j'étais toujours un peu derrière, comme ça. Je ne disais rien. J'avais tellement peur jusqu'à ce que je suis partie de cette maison. C'est comme ça. C'est des trucs, voilà. Mais elle me forçait. Elle faisait tout que je cache. Elle me dit, si on est au courant de ça, franchement, je vais te tuer. Elle était capable de me tuer. Parce que si elle avait fait elle, ça... Elle était tuée déjà. Il fallait aller d'un autre côté pour essayer une autre tuerie. Elle était effrayée alors qu'elle était tuée à petit feu. Alors, je pose la question. Cette personne-là qui t'a traîné de cette façon-là, en y parlant, maintenant, en racontant, mais maintenant, tu peux voir encore les 7 scénarios horribles que tu as dû vivre dans ta tente de jeunesse. Où se trouve cette personne maintenant, alors que nous parlons? Sincèrement, je ne sais pas, mon frère. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Et si il arrive que tu rencontres cette personne dans le froid maintenant? En hiver. Si je la rencontre, avant, je crois que j'étais vraiment en collège, je crois que je lui aurais fait je sais pas quoi. Mais aujourd'hui, j'en parle et. Moi, c'est normal. Ça me dit, en fait, ça ne me dit plus rien, que ce soit même. Ça, franchement, ça, je crois que j'ai oublié, en fait. Bah, j'espère que j'ai oublié, que j'ai pardonné à cette personne. J'espère. Et supposons que maintenant, alors que nous sommes en train de parler, cette personne toque à ta porte là et tu te tournes, c'est cette personne là. Je serais un peu choquée, je serais d'abord choquée de dire bah, qu'est-ce qu'elle fait chez moi. Mais sincèrement, je crois que je lui dirais, je ferai en sorte qu'elle se rappelle de ça. Est-ce qu'à ce moment là, est-ce qu'elle-même avait des enfants elle-même? Ou mieux encore, non, que... mais c'était juste. Elle avait 15 ans, mon frère, elle était jeune. Mais je ne sais pas. Comment elle avait cet esprit-là? Je ne sais pas pourquoi elle avait cet esprit-là. Et parlant donc d'autres, la personne qui t'a violé lorsque tu as émigré de l'autre côté, cette personne, est-ce que tu la connais encore? Non. Je ne me souviendrai même pas de son visage. Parce que comme j'ai dit, on était allé chez une, je sais pas, c'était une grand-mère éloignée comme ça, et c'était le voisin. Donc j'y allais pas tout le temps. Et voilà. C'est des trucs qu'après on grandit avec, on n'arrête pas. Parce que même, c'est comme ça, j'avais tellement cette maturité-là, même parce que j'avais maintenant souvent à la maison quand elle cachait, je savais où étaient toutes les cachettes des romans pour nous, elle mettait là. Donc tu y allais exactement droit au but. Oui, je partais, je cherchais, je regardais. Tu avais l'esprit de vol des objets sexuels, quoi. Un jour, j'ai volé, elle m'a attrapé. Ah là là, on m'a attrapé. Après, elle m'a grondé, elle m'a attrapé. Ça n'avait rien changé parce que c'est même moi qui montrais tout ça au petit. Parce qu'il y avait aussi un jeune métis avec qui on jouait souvent à papa et maman. Mais c'était, on devait faire papa et maman. Donc, on faisait vraiment papa et maman. On n'était pas papa et maman. Voilà. Et dis-nous, lorsque tu grandis à l'âge du développement sexuel, proprement dit, tu décides d'aller acheter les sex toys. Tu passes d'étape en étape dans la masturbation. D'où te vient l'inspiration? Frère, il y a Internet. J'étais accro des films porno. Accro. Je connaissais tout. Je connaissais tous les sites, comment est-ce qu'on fait ci. Ce qui fait que même quand j'ai eu mon premier copain, quand il m'a regardé, il m'a dit, mince, t'es sûr que tu es vierge? Il était tellement surpris parce que j'avais un esprit tellement ouvert. Il était dépassé. Il me dit, disons plutôt que disons que ton esprit de la perversité était avancé et poussé. Exactement. Mais de toutes les manières, même au lycée, mon entourage, ceux qui me connaissent vraiment, parce que si tu me regardes à distance, tu ne sauras pas. Mais ceux qui me connaissent vraiment, en général, ils m'appelaient fille perverse parce que j'avais des idées. Que Dieu vraiment nous aide. Si Machiavel t'aurait vu, il aurait écrit le tome 2 de son livre, pas vrai? Voilà, exactement. Et Alice Crowley t'aurait invité pour pouvoir faire le sacrifice dans ton livre, les dédicaces de son livre. Merci pour ton témoignage, ma soeur. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Si vous le voulez bien, avant qu'on continue, bonsoir à toutes celles qui sont laissées connecter maintenant à la soeur Rosalie. Bonsoir à toutes celles qui se connectent maintenant. Si vous le voulez bien, je ne sais pas si vous allez partager mon écran. Vous me dites tout simplement si vous voyez déjà mon écran, d'accord? Je veux que nous visionnons tous ensemble. Je crois qu'il y a des gens qui sont connectés, ils sont affairés à faire quelque chose. Ça ne vous servira vraiment pas à quelque chose. Il y a des gens qui sont connectés en train de préparer. Si c'est la nourriture, ils sont préparés. Vous devez être concentré pour écouter ces choses-ci. Voilà. Alors, maintenant, dites-moi, vous voyez bien mon écran? Dites-moi si vous voyez mon écran. Ça apparaît déjà chez vous, me dites. Ok, merci beaucoup. Je veux toute votre attention. Suivons ensemble ceci. Ceci, vous pouvez voir exactement que je clique exactement sur YouTube. Ça se trouve sur YouTube. Le titre, c'est « Un père viole ses deux enfants, garçons et filles ». C'est une émission de la télévision camerounaise appelée Equinox, située à Bessengue. Et c'est une émission appelée « Regard social ». Je crois que le thème, c'est « Viol au Cameroun, viol des enfants au Cameroun ». Que devient le Cameroun? Je crois que c'est le titre là-bas. C'est le titre. Alors, maintenant, écoutez très attentivement. Écoutons. Comment nous appelons bien avec les enfants? Je constate que les enfants avaient déjà maigri. C'était comme les enfants atteints du kwashiorkor. Je me suis dit que peut-être c'était mon absence. Et aussi, comme une autre femme ne peut pas prendre soin de l'enfant d'une autre comme pour elle, j'ai donc récupéré mes enfants. Je suis allée à la maison. J'arrive à la maison. Étant même en route, Théana me dit que quand je porte ma fille en main, elle me dit que maman, mes fesses me font mal. J'ai cru que bon, elle bavarde beaucoup. Je suis arrivée à la maison. L'enfant ne chie que dans l'habit. Mon fils ne chie que dans l'habit. Le garçon. J'ai retiré le premier tout. À peine retiré, il a encore chié. Je l'ai tapé. Je ne savais pas que c'est l'éducation que vous a donné votre papa. Je constate qu'il y a le sang. Je cours, je m'en vais à la pharmacie. J'achète le remède de la dysenterie. Je donne à l'enfant. À peine donné, l'enfant chie encore en pleurant. C'est où je retire l'habit de l'enfant pour dire que mais c'est que j'ai des dysenteries et ça sort le plus sang comme ça. J'ai été curieuse. Je voulais voir vraiment le sang, où vient le sang. C'est où j'essaie d'écarter l'anus de l'enfant. Je constate que c'est ouvert. L'enfant avait une us cassée du moment où il avait raison de faire les seuls. L'anus de l'enfant était large. Et tellement qu'on l'avait utilisé, il était troublé psychologiquement. Il faisait maintenant que comme un fou. Je me suis dit que c'était l'éducation. C'est où je cours, je crie, on sort. On me demande que c'est quoi, j'ai dit regardez l'anus des enfants. On écarte l'anus. On voit que l'enfant a raison de faire comme un fou. Il a l'anus ouvert. Il a pris tout le temps d'utiliser l'enfant comme sa forme. Je cours donc, je rentre chez le commandant avec les enfants. Le commandant, le Congo, il ne vient pas. Il me demande d'aller à l'hôpital. D'abord, je cours et m'en vais à l'hôpital central. Étant à l'hôpital, tous les infirmiers secouent seulement la tête, que je ne pleure plus. C'est où on interroge ma fille. Elle dit que il n'y a que ma fille qui parlait un peu. Elle dit que mon père mettait souvent le savon dans mes fesses. J'ai dit que dans les fesses de ton frère aussi, elle dit que je n'avais pas vu, on n'entrait que dans une autre chambre avec. On est parti à l'hôpital. J'étais à l'hôpital, j'étais dépassée. Je suis allée chez le procureur. Avec le carnet, ils m'ont demandé le certificat médical et je suis rentrée faire. Rentré chez le procureur, on l'a convoqué. Il dit qu'il est dans son village en train de célébrer son mariage. Que c'est jusqu'après le mariage qu'il serait disponible. Le procureur m'a demandé de partir et revenir après. Je suis rentrée à l'hôpital. Revenir après, j'arrive à l'hôpital. Je reviens après, on le convoque encore. Il dit qu'il a plutôt dit un mois. Il n'a pas parlé d'une semaine. Le procureur me demande encore de partir. Je porte les enfants rentrer à l'hôpital. On demandait l'opération pour l'anus du garçon. Parce que le garçon était tellement utilisé. Étant à l'hôpital, je ne savais plus quoi faire. Je suis alors restée devant la porte du procureur. Que je ne bouge pas d'ici. Je ne sais pas où je sais où je prends ces gens d'enfants. Enfermez-moi, si vous voulez. Je meurs et que je me libère de cette souffrance. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Je suis restée chez le procureur jusqu'à 17h. Ils ont porté mes enfants rentrer à l'hôpital. C'est comme ça. Que depuis ce jour, je souffre avec mes enfants. Je suis restée à l'hôpital, j'ai les injections. Pour la fille, ça va déjà. Le garçon ne cesse de faire comme un fou, comme un malade. Et la nuit, ça ferme. Ça ferme, un temps ça ferme, au point où j'étais contente. Mais quand j'arrête le traitement, ça lâche. Je ne sais pas comment je vais faire pour opérer l'anus des enfants. Vous avez épuisé vos économies, vous êtes aujourd'hui endetté. Je ne sais plus quoi faire. Au début, je savais qu'avec l'injection, le docteur m'a dit que ça devait fermer l'anus de l'enfant. Au fond, on ne devait pas constater. Mais quand j'arrête l'injection, ça lâche. Quand je n'ai pas d'argent, il fait les cercles dans la bulle. Quand je prête l'argent, je serai injecté, ça ferme. Je ne sais plus quoi faire. Je suis débordée. Ok. On en parlera davantage tout à l'heure, Flavie. Mais il faut surtout relever que cette jeune Camerounaise, il faut bien observer son visage, parce qu'elle aura besoin de vous, cher Camerounais, pour assurer sa protection. Elle est aujourd'hui sous le coup d'une menace, et nous en avons été témoins d'ailleurs. Il a fallu faire montre de beaucoup de diplomatie, de diligence, de négociation, de réconfort pour qu'elle s'ouvre justement. Elle a subi des violences conjugales qui l'ont traumatisée elle-même. Et elle a peur aujourd'hui pour sa vie, elle craint pour sa vie. Elle réside dans la ville de Chang. Donc nous avons, vous et nous avons une responsabilité sociale, mesdames et messieurs. Celle de protéger ces personnes qui sont en difficulté. Nous devons nous mobiliser pour assurer leur protection. Assurer leur protection, protection tout d'abord psychologique, protection dans leur environnement, assurer la protection des enfants également, le temps pour la justice de faire son travail, le temps pour les fins limiers de l'enquête, justement, d'établir la lumière sur cette affaire. Voilà. Merci à Equinox. Equinox Télévision, dans la lumière, l'émission Regard social qui se passe sur cette chaîne. Nous venons de suivre là l'un des témoignages de tout ce qui est en train de vous arriver. Vous voyez le titre de ces choses avec l'enseignement. Le titre de l'émission, vous voyez que le titre violence sexuelle, violence et viol sur les enfants et mineurs. Que devient le Cameroun? Qu'est-ce qui se passe vraiment au Cameroun? La femme dans la sainteté, bonsoir. Voilà, nous plantons vraiment le décor pour ce soir. Des choses se sont passées dans nos vies. Principalement les filles qui sont vulnérables, les petits enfants, les garçons n'en sont pas en reste. Ici se trouve comme ça un père qui a deux enfants, un garçon et une fille, il a violé les deux. Et on l'appelle, il dit qu'il est en train de se marier au village, que le procureur dérange. On lui donne encore un mois, ainsi de suite. Alors, la femme dans la sainteté, je suis à votre service ce soir. Après cela, nous allons écouter un deuxième documentaire, cette fois-ci maintenant du côté occidental. L'autre là, c'est encore plus grave que ce que vous venez de suivre maintenant pour cette autre femme-ci. Qui commande avant qu'on ne pense pas ce soir? Quel commentaire faites-vous de cette vidéo, de ce que vous venez de trouver là? Je crois que je vous ai envoyé le lien. Vous pourrez voir cela. Si le son n'était pas bon chez vous, vous pourrez voir cela en off lorsqu'on aura terminé pour pouvoir vous délecter et voir combien le monde est méchant. Qui prend la parole? Souvenons-nous, nous ne parlons pas de cette vidéo-là seulement. Ceci, c'est une indication pour nos propres vies. Pour ce qui s'est passé. Donc, je ne veux pas que vous dites que la femme est bien en bleu, elle pleure trop. Ce n'est pas ça dont il est question. C'est pour vous montrer que ce que vous traversez, quelqu'un d'autre a traversé. Et beaucoup souffrent, ne savent pas comment ils se doivent, comment il faut résoudre. Ici, on va inviter les psychologues. Et vous voyez, vous allez rencontrer un psychologue qui elle-même a été traumatisé depuis son enfance qu'on a violé. Vous pensez que ce psychologue va vous dire quoi? Alors, dites-moi donc, qu'est-ce que vous en dites maintenant? Les femmes saintes, vous êtes nombreuses ce soir. Je suis à votre service. Oui. Allô, mon frère. Qui prend la parole? Vous avez des enfants chez vous, veuillez fermer votre micro. Si vous avez des enfants chez vous, veuillez fermer votre micro. Oui, qui parle là? Oui, mon frère. Vous êtes nombreux, je ne sais pas qui parle. C'est la sœur amie. Voilà, la sœur amie, bonsoir et bienvenue. Oui, parle alors. Je ne te vois pas sur mon écran, oui. Vas-y, parle. Oui, moi c'est concernant les enfants, les soins des enfants, que je trouve dommage que la maman n'a pas eu une aide gratuite pour soigner les enfants dans ces conditions comme ça. Nous sommes au Cameroun, ma soeur amie, nous ne sommes pas en Belgique. Oui. En temps normal de telles choses, on ne devait pas laisser cette personne ci dehors. On donne des répits à cette personnalité, le temps de on devait envoyer un mandat d'arrêt, envoyer des gendarmes et des policiers, le chercher de là où ils se trouvent, n'importe comment, pas vrai? Et soigner les enfants plus vite. Vous êtes en Europe là-bas, ne venez pas me faire des procès, comme me fait des procès ici au Cameroun. Parlons de notre enseignement tranquillement, on laisse là-dessus. Revenons dans notre cas, laissez la justice camerounaise avec les propres Cameroun là, aux Camerounais. Allons-y, parlons maintenant. Toi qui es là maintenant, puisque tu es venu, qu'est-ce que tu en dis avec tout ce que nous avons dit depuis le début? Ben, je trouve ça très triste, mon frère. Non, non. Ça fait peur. Ça fait peur pour nos enfants. La soeur amie? Oui. Bonsoir, comment tu vas ce soir? Oui, ça va bien, mon frère. Et comment va Adassa? Elle va bien, la grâce de Dieu, mon frère. J'étais en train de demander depuis le début de cette émission, de cet enseignement que nous avons commencé depuis la dernière fois, qu'est-ce que tu en dis par rapport à ta propre vie? C'est de ça dont je parlais. Qu'est-ce que tu peux dire à tes soeurs? Qu'est-ce que tu peux dire aux puissances des ténèbres à compter de ce soir concernant ce sujet? En finir avec les démons sexuels. Exactement, mon frère. Pour ma part, Ou bien, on te laisse réfléchir, d'accord? Parce que, oui, merci. Parce que voilà, parce que tu ne venais pas pour ça, tu venais pour commenter la vidéo d'Equinox. Alors, qui prend la parole? J'ai deux personnes notées sur ma feuille. Ici, il y a la sœur Cathy du Liban. Voilà, il y a les gens qui sont allés les cacher en sous-marin. Chacun ferme son vidéo, qu'il ne faut pas que le gars me voie. Même si vos noms apparaissent, vous avez vu hier, j'ai écrit un nom ici, je ne savais même pas que la personne était là. Je me suis tourné sur ma feuille, j'ai vu qu'il y avait écrit un nom dans un cercle, avec des choses qui sont en train d'arriver. Je suis en train de parler comme ça, je vous laisse tout simplement que vous soyez poussé par le Seigneur pour parler de ces choses, parce que je vous préviens. Nous ne sommes pas en train de faire du jeu ici, parce que c'est lui qui nous a orientés dans ce domaine-ci, parce qu'il veut traiter. Soyez-en sûrs et certains, pour certains d'entre vous, il y aura des répercussions sur le plan familial. Satan utilisera les gens justement contre vous, mais c'est le prix à payer. Donc ne croyez pas que c'est du cadeau de bonbons que vous allez commencer comme cela. Normalement, dans un pays, dans un environnement qui se respecte, nous avons vu, je crois qu'en titre hier, lorsque je lisais dans le cadre des faits divers, vous avez vu un homme du Vatican, l'ancien cardinal de New York, qui a été démis de ses fonctions, de son titre de cardinal, après une plainte de viol de 50 ans. Donc normalement, sur le cadre de justice, vous toutes qui avez subi des viols, vous pouvez porter plainte contre votre membre de famille et on les poursuit en justice, normalement. Mais nous avons une autre direction, la justice des dieux. Vous voyez, le plus grave, c'est pas cela. On peut bien fermer votre bourreau, comme c'est le cas de cette femme-ci, avec ses enfants. On peut bien fermer le bourreau. Le traumatisme et le démon qui est dans les enfants, là, il va falloir les délivrer. Vous voyez cela? Aucun soin psychologique ne résoudra le problème, parce qu'on a pris sa jeunesse, on a pris sa vraie personnalité. Satan est et ses démons sont installés dans leur âme. Mais si vous avancez là-bas, vous dites il faut qu'on prie pour les enfants. Ils vont dire non, c'est l'argent. Nous qui prions, nous, on n'a pas l'argent. Ceux qui ont l'argent n'ont pas la prière. Donc il faut que chacun arrive à mettre sa pierre de contribution là-dedans. Alors je dis ceci, nous sommes ici pour dénoncer les puissances des ténèbres. Ceci est donné seulement à l'église, parce que l'église doit être sainte. Elle ne doit pas se mélanger avec les choses des ténèbres. C'est pour ça que nous faisons comme ça. Le monde a sa façon à lui de résoudre leurs problèmes. Quand ça ne va pas, ils prennent le couteau. D'autres crient aux vengeances, d'autres attrapent les personnes qui ont fait cela et brûlent. Il y a des gens qui vous posent la question, et même au milieu chrétien, ici, vous posez la question, si on viole votre enfant, vous dites quoi? Si vous voyez l'âme là-bas, il dit, tu d'abord, on a demandé pardon à Dieu. Vous voyez? Parce qu'on a cette soif de revanche là. Mais la Bible déclare à Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. C'est l'une des raisons pour laquelle quand vous parlez des gens qui vous ont violé, vous posez la question, si vous les voyez aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? C'est pour vous montrer effectivement que malgré que vous les voyez, malgré ce qu'ils ont fait, ils ont besoin de votre pardon, parce que vous avez besoin aussi du pardon du Seigneur. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est pour ça que je pose cette question-là. Alors, qui prend la parole maintenant? Où est la sœur? Passons la parole à notre maman maintenant. La sœur Albertine, parle finalement, parce qu'il ne faut pas qu'on te lâche comme ça. La sœur Albertine, tu as la parole. Bonsoir. Son micro est fermé, je crois bien. Oui, frère, tu m'as appelé. Oui, je t'ai appelé. La sœur Cathy, vas-y. Ton nom est écrit sur ma liste ici. Tu vois que tu ne pouvais pas vous cacher, pas vrai? Oui, frère. C'est comme en classe, on vous appelle tout simplement, vous dites présente. Et vous savez que vous êtes présente. Alors dis-nous, es-tu prête donc à dénoncer les puissances éternelles? Ne vous sentez pas obligé. J'appelle tout simplement tel que c'est écrit hier et non qui sont écrits là. Je vous appelle tout simplement. Si vous dites que frère, je ne suis pas prête, je passe aux prochaines personnes. Souvenez-vous, ça va amener la guérison et la délivrance. Allons-y, ma soeur. Et d'abord, je vais rendre grâce à l'Éternel parce qu'il a permis que mes gens ne soient pas là pour que je sois disposée pour parler. Parce que là, maintenant, je suis libre. Et quand on a commencé le jeûne, depuis un bon bout de temps, je prie l'Éternel qui me délivre. Et avant ça, j'ai fait un songe où je me suis vue en train de coucher avec une femme. C'est un songe ici. Mais c'est un truc que je n'ai jamais fait. Et puis, j'ai sursauté. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ce genre de songe, oui. Je ne sens plus les hommes. Ça fait 5 ans que j'ai arrêté tout. J'ai dit, non, je vais suivre le Seigneur. Et pourquoi je vois tout ça? Il dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et la personne, je connaissais la personne, en fait. Bon, je n'ai jamais eu à faire un truc comme ça avec elle, mais je me suis vue dans le songe en train de coucher avec elle. Elle dit, mais qu'est-ce qui ne va pas, Seigneur? Et depuis un temps, ici, le petit frère de ma madame me demande, mais Cathy, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es triste, tu es en colère, parce que depuis le temps-là, je suis tellement en colère, je suis triste. Donc, I'm very mad, really. Je me sens mal, je me pose des questions, je demande à Dieu, mais vraiment, ma place n'est pas sûre. Oh God, have mercy on me, please. Donc, je vais dire, j'ai eu à avoir des accouchements quand j'étais petite, oui, avec un cousin plus petit que moi et avec des amis au quartier. Donc, j'ai eu à voir des films. Quand je partais chez un cousin, il avait des romans, j'ai eu à feuilleter cela. Et puis, bon, j'étais vieille, mais psychologiquement, I wasn't. Parce que j'ai tellement vu des choses et j'ai eu à pratiquer ça. Donc, tu étais comme les filles de l'autre, alors? Oui, oui, oui. J'ai eu à pratiquer ça et... avec des enfants, avec des petites, avec des filles au quartier, avec des amis et tout. Et je suis allée à Yaoundé chez ma tante. Donc c'est une cousine à mon papa. Avec sa fille, nous on dormait sur le lit en étant, on dormait en haut. Elle était plus petite que moi, donc moi j'étais plus grande que elle, mais elle était, je vais dire, éveillée. She was, oui. Elle connaissait des trucs que moi je connaissais pas. Donc on dormait. Subitement, quelqu'un me commence à me toucher, à me caresser. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Surtout, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et quand elle a commencé, je me suis laissée aller. Oh God, have mercy. I'm really bad. Et là, maintenant, tu dis, dernièrement, quand tu commences le jeûne, tu vois que tu es en train de coucher avec une femme dans le rêve. Et tu te dis que tu ne sais pas d'où ça vient. Maintenant, avec ce qu'on a de faire maintenant, est-ce que tu peux connaître maintenant l'origine, la trace? Tu connais maintenant comment ça s'est venu, n'est-ce pas? Que c'est dans l'enfance que c'est venu. Oui, c'est ça. Mais tu vois que sans que ça, ceci ne soit suscité, tu n'aurais pas su que tu avais ces problèmes-là en toi. Et c'était comme ça. C'est elle, bon, c'est qui est-ce, c'est elle qui commence, c'est elle qui faisait toujours ses accouchements et tout. Et moi, je faisais comme si je dormais, en fait. Je faisais comme si j'étais prof. Mais ça te plaisait, tu te laissais aller, ça te plaisait. Oui, oui. Elle a fait comme ça plusieurs fois. Pendant, elle a fait ça peut-être trois fois. Et là, alors, je suis quittée de là. Je suis rentrée chez mes parents à Bamenda et après je suis montée à Douala. Bon, depuis ce temps, j'ai dit plus jamais. J'ai dit que je ne veux pas, je vais rester vieille. Donc vieille, mais si que je me. Non, jusqu'à ce que je me marie, je me suis promis. J'ai dit ça à Dieu. Mais quand je suis montée à Douala, je suis ma tante. Après un an, il y a un voisin. Courage, d'accord, ma soeur, pas. Courage, parle. Il y a un voisin là qui me faisait la cour chaque fois. Il dit, je veux rester vieille, je veux me marier vieille. Il dit, non, pourquoi tu dis ça? Tu es déjà une grande fille et tout et tout. Bon, c'est vrai, j'ai connu l'homme tard, à l'âge peut-être de 21 ans. Et bon, je suis partie, je partais de temps en temps chez la femme, là, passer la journée et tout, quand il n'y avait pas ma tante. Et un jour, il m'appelle, il me dit, peut-être tu peux venir un peu, je vais te demander quelque chose. Parce que bon, comme il faisait les cours en anglais, il me demandait un peu des trucs en anglais. Il dit, tu peux venir, je vais te demander un truc. Et comme ça, je suis entrée. C'est comme ça que I was abused. Pour ceux qui ne comprennent pas le français, dis cela en français. Il m'a violé, quoi. Donc, il m'a pris... comment dire en français? Il m'a pris comme ça. Oui. Il t'a violenté, il t'a violé. Oui. Quand je suis entrée, c'est comme ça qu'il m'a ramassé, il m'a jeté sur le lit et tout. Il m'a fermé la bouche. Il t'a demandé ça en anglais. Allez, il m'a rien dit, il n'a rien dit. Il n'a pas demandé en anglais. En fait, il m'a dit, viens, je vais te dire un truc, tu vas me demander. Il avait en fait la feuille à main quand je suis entrée. Oui, c'est ça. C'est comme ça. Il a dit que tu vas écrire sur cette feuille si virginité en anglais. Que j'ai décidé de garder ma virginité en anglais. C'est ça qu'il voulait te demander, n'est-ce pas, ma soeur? Alors, c'est comme ça qu'il m'a pris. Alors, il m'a balancé sur le lit, il m'a fermé la bouche. Et il t'a violé. Quelle était ta réaction après? La soeur Albertine, ferme ton micro, ça crée le désordre, ça crée le son là. Après, la soeur, si tu vas parler, donc ferme ton micro. Alors, ma soeur, après ce scénario de viol, qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Hier, nous lisions dans la partie 16 de cet enseignement-ci, de cet incroyable que nous sommes en train de lucider, nous lisions le cas d'Amon, qui avait été conseillé par Jonadab, le frère de fils de David, le fils du frère de David, qui a conseillé à Amnon de violer sa sœur, de trouver des tâches pour brûler sa sœur. Après, il l'a pris en aversion. Quelle était la réaction de ce garçon vis-à-vis de toi par la suite? Et quelle était ta réaction aussi? Oui, quand il a fait ça, dès qu'il a fini, il a dit que ouais, je suis désolé, et tout, il s'est mis à genoux, il m'a demandé pardon, il ne sait pas ce qui lui est arrivé et tout. Bon, moi, je suis sortie de la chambre, je suis partie à la maison. Je suis allée à la maison, j'ai pleuré à chaud de larmes. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi parce que c'est pas ce que je voulais. Et entre lui, depuis le temps, rien ne s'est plus passé. Donc, quand je le voyais, je l'évitais un peu. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à sortir des hommes. Sortir des hommes, tu as dit qu'OK, il y a mouillé, c'est mouillé. Il n'y a pas de mouillé sec. Oui, voilà. J'ai connu un gars comme ça et puis ça va ma soeur. Maintenant, je vous pose une question simple. Imaginez qu'à votre tendre enfance, lorsque vous subissiez ces jeunes là, enfin ces viols là, les personnes qui le font avaient le virus de VIH sida. Vous voyez quelles conséquences vous aurez sur votre vie? Bien plus maintenant. Regardez les portes que cela a ouvert dans vos vies. Qu'est-ce que vous en dites? Voilà pourquoi nous devons rendre grâce à Dieu en toutes choses. Dans une des lectures que notre sœur bien-aimée a fait ici, la personne disait qu'elle, à l'âge de 12 ans, elle a vécu avec un des garçons là pendant 3 années, ils ont eu des enfants et elle a avorté. Et puis elle a dit que parce qu'ils n'étaient pas prêts, ils ont avorté. Voici la justification qu'ils ont donnée. Elle a dit que parce qu'elle n'était pas prête à devenir des parents. Puis-je donc rappeler que si vous m'écoutez maintenant et que vous n'êtes pas prêt à devenir des parents, alors vous ne devrez pas faire ce que les parents font. Puis-je le rappeler? Je vais encore redire ce que je viens de dire. Si vous n'êtes pas prêt à devenir des parents, parce que les gens, la justification c'est que je me suis rendu compte que je suis enceinte et je ne suis pas prêt à devenir parent. Mais les parents sont là pour les enfants. Vous voyez? Donc ça veut dire vous n'êtes pas prêt à être les parents. Ne faites pas ce que les parents font pour être parent. Voilà, c'est ce que je voulais préciser. Et j'ai encore la sœur Cathy. Pendant que tu tiens d'expliquer, il y a un scénario que j'en ai remarqué. C'est avec je vois des personnes en tenue scolaire. Mais j'ai comme l'impression que j'étais en de suivre pour voir si tu vas parler de ces scénarios aussi. Mais je n'ai pas entendu ces choses dans ton discours. Des personnes se trouvent avec la tenue de l'école. Ce n'est pas la tenue de l'école, ça c'est uniforme. Qu'est-ce qui s'est passé? Tenue scolaire. Oui. Pas du tout. Moi, quand j'étais au lycée, quand même, mais j'ai pas eu à faire des trucs comme ça avec les gens au lycée. Mais j'étais dans un groupe de filles rebelles, quoi. Je dis ici parce que je vois une tenue avec leur corde qui passe. Une longue corde, quelqu'un a tiré la corde de la jupe d'une personne et cette personne s'est partie avec cela. Bon, de toute façon, le temps que tu rentres en toi-même, on arrive. Où est la sœur Catherine? La sœur Catherine, bonsoir. Merci pour le micro que tu as ouvert. Bonsoir, Virginia. Je ne sais pas si t'as encore pour moi, je suis en train de me battre avec mon micro, ma caméra, ça fait un petit moment. Comme par hasard, aujourd'hui, l'internet te dérange un petit peu. Ne t'inquiète pas que tu aies une caméra, que tu n'as pas de caméra, il y a une autre caméra céleste qui est pointée sur toi, d'accord? Amen. Alors, tu as la parole. Merci de me donner la parole. Je pense que je vais avoir la force et le courage de parler. Il y a des choses, pas vrai, il y a des choses. Donc, soyez-en sûr que nous sommes en train de dénoncer les puissants des ténèbres. J'ai fait tout pour vous aider. J'ai subi des chocs et des persécutions à cause de ce que j'ai fait au travers avec vous. Mais je n'en fais point de ma vie aucun cas. Parce que je m'en remets à celui qui m'a envoyé faire ces choses et celui qui conduit cela. C'est pour ça que je n'ai pas peur. Mais je vous prie de prendre ceci au sérieux pour qu'après avoir dénoncé ceci, vous n'y reviendrez plus. Que ce soit une croix que vous mettez, quand on sort de ténèbres, on n'y rentre plus. D'accord, mes chères sœurs? La sœur Catherine, tu as la parole. Je n'ose même pas parler. Tu as la parole. Oui. Alors, je ne sais pas par quoi commencer. Oui, voilà, j'ai entendu le témoignage. C'est en sorte que j'ai écouté le témoignage. C'est mieux que je te relance. Quand tu as écouté le témoignage dans la première partie de cet enseignement, de ce thème, qu'est-ce que t'es venu sur le cœur? Tu as dit, tiens, dis donc. Voilà. Je ne suis pas la seule à être... Je me retrouve dans des situations... J'entends des témoignages et je me retrouve aussi dans cette situation. Vas-y, parle donc maintenant. Tu es bien lancé. Voilà. C'est que je me rappelle quand j'ai eu... je crois que j'avais peut-être 12 ans. Bon, j'étais comme les filles de Lot, hein. J'étais vierge physiquement, mais spirituellement, voilà. J'étais pas vierge. Alors, j'avais peut-être 12 ans, je crois. Et puis, j'avais ma cousine, et sa mère l'avait emmenée pour que ma tante puisse la garder. Ma tante, c'est sa marraine. Voilà. C'est sa tante aussi, et en même temps, c'est sa marraine. Et puis, ma tante est partie entre temps. Alors, on était toutes deux. Et puis, je sais pas ce qui s'est passé. Je me suis couchée et je l'ai mise sur moi. et je l'ai embrassé, quoi. Je lui ai expliqué comment faire, je l'ai embrassé. Attends, doucement, Mathieu, doucement. Tu l'as mis sur toi, tu as expliqué. L'explication là, tu la prenais où? Je sais pas. Je me rappelle. Et pourtant, parce que j'ai été élevé sans la télé, hein. Mmh. Voilà. Et tu savais tout simplement cela. Tu savais tout simplement qu'il faut faire comme ça. Mmh, voilà. Et plus tard, tu viens de découvrir ça dans la télévision. Oui. Tu viens de découvrir que tes pichenettes ont été plagiées, que la télévision t'a plagié. Oui, certainement. Mmh. Voilà. Il y a des choses terribles. Et puis, je lui ai expliqué. Mais ça a duré peut-être quelques secondes. Hein. Voilà. Mmh. Parce que j'avais tellement peur et tout. Et puis après, je lui ai dit de ne rien dire, quoi. Je crois qu'elle avait 3 ans, peut-être. Mmh. Et puis après, entre-temps, il y avait un livre, il y avait mon nom, parce que j'ai vécu avec mes oncles, mes tantes, ma grand-mère, voilà, ma mère, mon frère. Et puis, il y avait mon oncle qui avait un livre, je crois, un livre de porno, je peux dire. Et puis, je regardais de temps en temps qu'il n'y avait personne, je regardais ce livre-là. Mais je trouvais que c'était dégoûtant, mais en même temps, à chaque fois, je le regarde. Là, c'était en France ou bien c'était où dans les États-Unis? Non, j'étais en Guadeloupe. Ça fait à peine 4 ans que je suis ici. Hein. Voilà. Non, là, j'étais en Guadeloupe. Donc, en Guadeloupe aussi, en Martinique, là-bas, c'est gâté, quoi. Ah, mais je pense que partout. Le diable, il est partout. Il est sur la terre, il est partout. Hmm. Puis voilà, et puis jusqu'à maintenant, c'était comme si c'était après ça a disparu, quoi. Mm. Je me suis jamais rappelé de cet épisode. Mm. Puis voilà. Comment tu as fait pour te rappeler, ma soeur? Comment tu as fait pour te rappeler? Qu'est-ce qui t'a rappelé à dans cela? C'est quand on a commencé à parler, je crois, de la France. La femme dans la sainteté, je crois. Mm. Tout au début. Mm. Les premiers jours, je crois. Mais j'avais tellement peur de parler de ça. Quoi. Tu voulais cacher tes petits secrets, tes secrets intimes. Devant Dieu, on ne peut rien cacher. Mm. Et puis aussi, quand j'étais aussi au collège, j'ai aussi un copain. J'avais peut-être aussi 13 ou 14 ans, en sixième. Et puis, il y avait des copines qui étaient plus grandes que moi. Puis, elles avaient aussi des copains. Et puis, j'ai voulu faire comme elles. Et puis, j'ai un copain. Et je me rappelle, parfois, on sortait à 16h et on attendait le bus jusqu'à 17h, je crois. Et puis, il y avait une maison pas loin du collège. Et puis, on y allait... Les filles, on s'embrassait avec les copains, tout ça. Le temps d'attendre le bus, vous amoureux, voilà. Ouais. Vous prenez quelques petits temps. C'est terrible. Voilà. Et puis, je me rappelle un jour, et je mangeais chez la tante de ma grand-mère, je crois. Dans le bourg, je montais pas à la maison le midi. Et puis, je passais par un petit sentier, et puis voilà, et j'ai rencontré ce copain-là. Et puis il m'a entraîné, il m'a dit bon, je voulais l'embrasser, tout, mais je voulais pas l'embrasser, il m'a forcé. Et puis il a commencé à faire des attouchements. Mais ça a duré un bon moment, je voulais pas, je refusais. Et puis qu'il voyait que je refusais, et puis qu'il insistait, je pleurais et tout, il insistait. Mais avec le recul, je dis Dieu merci qu'il m'a pas violé, quoi. Mmh. Et puis il y avait deux copains lui qui passaient. Et puis ils sont venus, ils disent ah, on veut aussi notre part et tout. Le pas de quoi, ma soeur? Le pas d'attouchement. Voilà, de leur part aussi. Le pas d'attouchement aussi. Oui, je crois. Tu leur as donné, ma soeur? Là, je ne me rappelle pas si ils m'ont touché, mais ils rigolaient, je crois. Je ne me rappelle plus s'ils m'ont touché. Mm. Mais elle collait, et puis c'est l'autre qui me touchait, tout ça. Et puis après, puis Dieu merci, ils m'ont rien fait de grave, je crois. Mmh. Et puis je suis parti. Mais jusqu'à présent, personne n'est au courant de cette histoire. Mmh. J'ai jamais raconté deux histoires, personne n'est au courant. Et ça fait à peine 2 ans, j'ai ma copine, ma seule copine que j'ai. Et en Guadeloupe, on parlait de des choses. Elle me racontait sa situation. Et puis je lui ai dit, mais tu tiens, j'ai quelque chose qui me remonte à la tête. Elle m'a dit, mais dis-moi, je lui ai jamais dit, je ne peux pas. C'est trop difficile. Et ça fait longtemps qu'on se connaît. On se connaît depuis le lycée. Hein. Mmh. Elle est mariée, elle a des enfants, tout ça. J'ai pas pu lui dire. Pourtant, c'est quelqu'un que je fais entièrement confiance. On se dit plein de choses. Mais j'ai pas pu lui dire. Mais te voici ce soir en train de dire à tes soeurs. Comment? Te voici ce soir en train de dire à tes soeurs et à tout le monde entier. Sans gêne. Qu'est-ce qui se passe alors? Je sais pas. Il fallait que ça sorte, je crois. Mmh. Et puis voilà quoi. Ça m'est revenu. Mais le pire, c'est qu'on croit que je suis une sainte entre guillemets dans ma famille, que je suis que je suis vierge, que je suis personne ne sait, c'est ça le pire. Alors que tu étais une créatrice des touches et des gestes. Voilà. Et je me rappelle un soir aussi quand j'étais au lycée aussi, j'ai un copain entre guillemets. Et puis un soir, j'ai toujours du mal à dormir la nuit, j'ai du mal. Je me réveille parfois entre minuit et 1h du matin jusqu'à 5h, bon, je ne dormais pas. Et puis ce jour-là, je ne sais pas, j'ai pensé à lui, et puis là, je me suis masturbé. Bon, qu'une seule fois, ça m'est arrivé. Oui, promis, juré. J'ai trouvé ça tellement dégoûtant que, voilà, quoi, j'ai jamais recommencé, je trouvais ça tellement dégoûtant. Mm. Mais qu'est-ce qui te poussait dans cette direction? Tu penses que qu'est-ce qui te poussait dans cette direction-là? Avec le recul, maintenant, je comprends. Mmh. Je comprends. Oui. Puis après, j'ai été aussi des maris de nuit. Mmh. Voilà. Ça a duré énormément de temps, je ne me rappelle plus. Voilà. Mais c'est des choses terribles. Courage, d'accord. Mais là, maintenant, les âmes sont en train d'être restaurées, n'est-ce pas? Il faut le nettoyage pour que le Saint-Esprit ici tabernacle. Et je retiens dans tes propos, à chaque fois, tu mets les guillemets sur le copain. Et tu fais bien de mettre les guillemets parce qu'en réalité, à l'intérieur, on doit plutôt mettre partenaire de péché. Merci pour ton témoignage, ma soeur. Voilà, c'est ça. Voilà. Avec le recul, je dis, si je savais. Moi, je dis qu'aussi, les parents... Surtout les mères doivent élever leurs enfants, surveiller leurs enfants, discuter avec leurs enfants. Parce que dans ma famille, il n'y a jamais eu ça. Mm. Jusqu'à maintenant, avec ma mère, il n'y a jamais eu de discussion en ce sens, quoi. Mm. En ce sens, il n'y a jamais eu de discussion. Les parents, ça fait 9 ans que je suis mariée, j'ai pas d'enfant, elle m'a jamais posé la question. Voilà. Ça c'est terrible. Elle m'a jamais dit, mais toi, t'as pas d'enfant, qu'est-ce qui se passe? Ça fait 9 ans. Je te lance le défi de remonter à ta maman aussi pour lui poser la question sur la sexualité. Tu verras le calvaire qu'elle en a vécu également et qu'elle ne veut pas, elle veut même pas en parler. Je parle pour ton cas. Je sais. Okay, c'est pour ça que dans ma famille, on n'a jamais parlé de sexualité. Ok, donc comme tu le sais, ça va, n'y va plus. Ne fais plus ces recherches-là. Alors, merci pour ton témoignage, ma soeur. Merci beaucoup. Amen. Nous sommes là pour dénoncer les puissances des ténèbres. Nous sommes là pour dénoncer les puissances des ténèbres, n'est-ce pas, ma soeur? Comme tu le dis, il faut que les parents parlent avec leurs enfants, mais les parents modernes ont démissionné de leur fonction des mères de famille, des femmes de foyer. Et par conséquent, ils ont livré, quand bien même celles qui sont livrées, même étant à la maison, il faut être vigilant. Parce que même entre les enfants, même père, même mère, ça se passe. Donc même à la maison, il ne faut pas dormir. Vous voyez que le diable rôde partout. Vous amenez votre enfant en vacances, plutôt chez votre tante, c'est là où ça se passe. Chez le cousin, le voisin qui vient jouer chez vous, ça se passe là-bas. Les enfants sortent pour aller jouer dans une maison, un temps, pendant que tu dis, ouf, le soulagement, au moins c'est ici, dans cette maison, je vais me reposer. Pendant ce temps, les enfants sont de faire papa et maman là-bas, ils transportent le démon à la maison et voilà les vies brisées. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut le Saint-Esprit. Il faut le Saint-Esprit, absolument. Il faut absolument. Chaque fois que vous allez regarder les problèmes de ce monde, si vous allez remarquer que la seule et unique chose qu'il faut avec nous ici, c'est le Saint-Esprit. Jésus, notre Seigneur, quittant le monde, a dit ce que nous avions besoin. Il a dit, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne vient. Donc, il était avantageux pour lui qu'il parte. Pour qu'il parte, il enverra le Saint-Esprit qui demeurerait, qui tabernaclerait, qui éternellement avec nous. Il sera en nous et il sera même avec nous. Vous voyez que s'il est en nous, il est avec nous, il nous conduira. Il dit qu'il nous rappellera les choses. Il peut nous donner les choses, donner les avertissements, nous préserver et nous guider d'une façon directionnelle. Alors, avec notre psychologie, toute l'éducation que nous allons avoir, les esprits qui sont là pour guider, pour pousser les gens dans la captivité sexuelle, sont plus intelligents que les techniques de l'ivresse qu'on a dû apprendre à chez n'importe où. Donc, vous ne pourrez pas utiliser les techniques scientifiques ou philosophiques pour pouvoir garder votre enfant ou bien même votre famille. Même si vous mettez les disciplines les plus disciplinées dans votre foyer, si le Saint-Esprit n'y est pas, vous allez trouver des intrus dans votre famille. En fait, vous mettrez les disciplines, cette discipline-là, de façon hardie avec l'ordre démoniaque. Et par conséquent, c'est l'ordre démon qui sera en train de consoler. Pendant la nuit, quand vous allez dormir sur son portable, il sera en train de voir les masturbations. Comme la sœur Catherine vient de nous dire effectivement qu'elle est restée subitement, elle a commencé à penser. Vous voyez que vous n'avez pas de discipline sur les pensées des enfants. Quand il sera dans son lit, en train de dormir, vous saurez pas ce qui va se passer. Un enfant dormant avec un grand, et puis la main de l'enfant dans la nuit, le démon commande la main, va toucher le sein, et puis ça commence. Voilà les caresses qui commencent. Entre temps, vous allez dormir dans votre chambre. Voilà autant de choses qui arrivent. Donc, mes chers sœurs, nous sommes du Saint-Esprit. Et nous faisons bien déposer cette problématique du Saint-Esprit parce que nous sommes sur ces voies-là, justement, cette voie-là pour la voir. Il faut le nettoyage, puis le scellement. La femme de la sainteté, bonsoir encore. Bonsoir à la sœur Kofi. Bonsoir à la sœur Kétia. Bonsoir à la sœur Erna. Bonsoir à toutes les nouvelles venues. Aziza Mougan, est-ce qu'elle est là? Pendant que je suis en train de développer, je suis en train de voir le... Bonsoir. Oui, bonsoir et bienvenue. Je reviens à toi maintenant. Là, je suis en train de regarder le cas d'Alida Kofi. J'ai comme l'impression qu'elle avait oublié quelque chose qu'elle veut donner parce que je vois son nom encore figuré ici. La sœur Alida. Bonsoir, Papillon. C'est encore qui là-bas? Qui a encore parlé comme ça? Bonsoir, Gigi. Ah, oui, c'est vrai. Ça, c'est normal. C'est Gigi. Ok. C'est Gigi, bonsoir à toi. Bonsoir. Alors, où est la sœur Albertine? Je crois que c'est mieux qu'on en finisse avec elle avant qu'on continue. J'ai déjà fini ici avec deux personnes sur cette liste-ci. Oui, je suis la sœur Junior. Alors, tu as la parole, ma sœur, parle alors. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce, Céleste. Si j'oublie que tu me rappelles encore. Ne t'inquiète pas, nous sommes là ensemble, il est présent au milieu de nous. Tu ne peux pas cacher. Je voulais... Je me suis retrouvée... je vais d'abord dire dès mon jeune âge, je ne peux pas me souvenir de l'âge, mais je me souviens que j'avais ma chambre et j'ai envie de dire d'abord que j'avais raté le viol. Tu avais raté. Tu avais raté ou tu avais échappé? Oui, j'avais échappé. Ils vont oui, ma soeur. Alors, je dormais dans ma chambre. Comme on dort, je dors à le dos tourné vers la porte. Et la façon que je me suis... Je voulais seulement, quand tu vois quelqu'un veut bouger sur le lit, alors je sens que quelqu'un... La façon que quand quelqu'un est déjà rentré dans ta chambre, il veut s'asseoir et toi tu te retournes. Donc la personne a fui vite, il est parti. Je n'ai pas vu même sa face jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'était ni vu, ni connu et je n'en ai même pas parlé. Parce que tu as parlé, il faut parler si tu as vu la personne. Mm. Bon, j'ai échappé belle à cela. Mm. Je me suis souvenu que... à mon parcours de jeune âge, j'ai commencé même, l'une de mes cousines, on avait commencé à vouloir aller, on m'avait amené chez nous là-bas, à le bord de mer, pour commencer à aller faire la prostitution. Dieu merci que le jour qu'on est parti là, on n'a même pas eu les clients. Ça là, j'ai oublié ça depuis, hein, mais c'est hier que c'est venu dans ma tête et puis j'ai gardé ça. Donc, on n'a pas eu les clients et je n'étais plus aussi reparti. Tu as dit que le marché là est dur, quoi. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne suis même plus reparti. Avant de dire que quelqu'un m'avait vu et puis on est parti, non. Maintenant, le démon là aussi ne laissait pas les gens venir vers moi. Quelqu'un m'appelle, on sort pour un rien de tout, 1000 francs, je vais pas sortir avec l'homme. Seigneur, je te remercie. Donc, je voulais aussi dire que j'étais aussi concernée dans la masturbation. La masturbation, non, je ne dis pas d'abord la masturbation, je vais dire ça après. Je me suis concernée aussi dans les maris de nuit. Les maris de nuit, c'est depuis l'enfance. Je rêve des fois, on me montre, c'est la face de mon grand frère qui est moi là, sachant des faces. Jusqu'à je suis venu ici, les maris de nuit, les maris de nuit, les maris de nuit, les maris de nuit, les maris. Jusque je vois même si je suis parti, je ne dis pas le nom de la personne, j'ai fait un constat aussi, je dis que des fois on dit que c'est les attaques. Tout récemment, ça fait des mois, quand j'étais quitté à Paris là, et j'ai dit que je ne veux plus rien faire, je vais chercher le Seigneur. Alors que les dernières personnes là que j'étais avec eux, c'est eux qu'on me montre comme ça, comme il est devenu. Et j'ai pied sa face. Il dit que mais, depuis que je ne parle plus là-bas, donc l'histoire de voir les maris de nuit là, ce n'est plus comme ça là. Et maintenant, la masturbation. La masturbation, ce n'est pas que je m'assois, je prends quelque chose, je commence à faire. Moi, je n'ai depuis mon bas âge, je n'aime pas les trucs pornographie, non. Pour ça, Dieu m'a effrayé, épargné. Les choses extravagantes, non, je ne sais pas, je n'aimais pas. Donc, la masturbation, je constate, c'est quand je pars pisser que je croise mes deux pieds comme ça, là. Je dis que, mais, j'ai d'abord, à un moment donné, je négligeais, et puis à un moment donné, je dis que, mais, ce n'est pas ça qu'on appelle la masturbation. Je commençais à prier de ça, prier. Et à un moment donné, j'ai senti que ça m'a laissé. Et là où je suis maintenant, là, depuis que je suis venu aussi, et quand tu étais là, tous ces choses-là, je n'ai plus ça. Je n'ai plus ça. Bon, je peux discerner que ici, là, c'est les attaques. Ici, là, ce n'est pas ça. Donc, je n'ai plus tous ces choses-là. C'est seulement ça que j'ai pour dire. S'il y avait les papas et les mamans, ça là, ça ne manque pas. Mais pour dire qu'on avait fait, à moins si j'oublie, tu me fais souvenir. Merci, ma soeur Abeti. Souvenez-vous, que Dieu te bénisse. Souvenez-vous, vous qui m'écoutez, souvenez-vous, vous qui écoutez cette voix, chaque tentative de rapport sexuel que vous avez eue, chacune des choses que vous avez vues, que ce sont des émotions et des passions interdites par les Saintes Écritures, par le Père, le Dieu des armées, chaque chose que vous avez enfreint, à ce moment-là, vous avez ouvert des portes dans votre âme pour des puissances démoniaques pour salir votre âme. Il faut la repentance et la restauration. C'est pour ça que nous sommes là encore ce soir pour traiter de ces cas-là, pour dénoncer ces œuvres-là, afin que leurs extampées et leurs empreintes puissent quitter nos vies par la grâce du Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. La sœur Elena de Maryland. Non, on va y arriver par la suite. Bon, la sœur Carole Châtelon. J'ai passé seulement, je te dis seulement bonsoir. Et puis j'ai souri. J'entends ton nom ici. La sœur Aziza, oui. La sœur Aziza avait ouvert son micro tout à l'heure pour parler. Avant qu'on ne passe aux deuxièmes vidéos. Mais la sœur, tu mon nom, pourquoi? Oui. Il dit seulement. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit qu'il est passé seulement. Si tu veux revenir plus tard, toi, tu dis, tu veux parler, tu parles, d'accord, ma soeur? Non, mais je peux parler, je l'ai toujours dit, donc. Ok, puisque tu es en train de parler déjà, parle alors directement. Voilà. En fait, en ce qui concerne les vêtements, moi-même, j'ai subi ça quand j'étais toute jeune. Il faut éloigner un peu le micro de ta bouche, un peu plus à quelques distances. Vas-y encore. Oui, je disais tantôt que. Ok. C'est bon. Je disais tantôt que j'ai été aussi victime des attouchements sexuels quand j'étais toute petite. À l'âge déjà de 3 ans, j'étais victime des attouchements sexuels. Et à l'époque, quand mes parents vivaient à New Bell, on nous envoyait souvent chez notre grand-mère. Donc, vers l'âge de. Déjà après les 3 ans, à l'âge de 4 ans, 5 ans, quand on allait chez ma grand-mère les week-ends, on nous entassait dans la chambre avec nos grands, en fait, avec un de nos grands cousins. En fait, c'est lui qui s'occupait de nous. Mmh. Et curieusement, dans la nuit, je me rendais compte qu'il me faisait des attouchements. Des attouchements. En fait, moi, je ressentais ça dans un profond sommeil. Mmh. Et subitement, en fait, ça me réveillait quand même. Je lui demandais, mais c'est quoi? C'est quoi? Il me dit, non, ne parle pas. Ne parle pas. Mmh. Donc, étant donné que c'était le grand frère, et dans la naïveté de l'enfance, je ne me rendais vraiment pas compte qu'il était en train de... Ce qu'il faisait était mal. Mmh. Parce que déjà, la grande mère nous disait que non, c'est lui qui doit s'occuper de nous, on doit lui faire confiance et tout, parce qu'elle faisait vraiment confiance. Mmh. Et en dehors de lui, il y a aussi sa petite sœur qui me faisait des attouchements. Mmh. Fille, voilà. fille comme garçon. Oui. On voulait même quoi sur toi, ma sœur, à 3 ans? Ah, mon bien-aimé, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et tout cela m'est revenu, justement, j'ai suivi le témoignage de ma sœur Cathy. Mmh. Tout cela m'est revenu parce que 2 jours avant la première partie de cette émission, j'ai fait un songe. J'ai fait un songe dans lequel je devais coucher avec une femme. Mmh. Et ce qui est bizarre et ce qui m'a même encore choqué, c'est que c'est moi qui commandais cette femme-là, en fait. Mmh. Et c'était ma cousine du côté paternel. Mmh. Donc, c'est moi qui la commandais. Je lui disais, couche-toi ici. Voilà. Mm-hmm. Voilà. Donc, c'est moi qui la commandais. Mais le Seigneur m'a sorti de là avant que vraiment nous ne passions à l'acte, quoi. Ça t'a poussé à l'interrogation que comment moi qui suis une chrétienne, ces choses, je songe, n'est-ce pas? Effectivement. Mm. Effectivement. Et j'ai même partagé ça avec des bien-aimés. J'ai dit, mais... J'ai l'impression qu'il y a encore l'inceste qui se fait dans ma famille. Mmh. Mais là, quand tu pensais qu'après avoir eu ces songes, est-ce que tu t'es souvenu de ces attouchements dès l'enfance? Oui, j'en parle toujours, mon frère. Okay. J'en parle toujours. Même à mon épouse, je lui ai raconté tout ça, quoi. Mmh. Tout ça. Parce que ça me disait que plus tard, je me suis rendue. Parce que, en fait, ce que ça a produit chez moi, en fait, c'était le dégoût des hommes. Mmh. Et au fur et à mesure que je grandissais, j'avais l'impression que les femmes me draguaient beaucoup. Mmh. Femmes comme hommes. Et pour les hommes, en fait, c'était plus pour les relations sexuelles. Mmh. Parce que même après ça, après que... Quand je suis, en fait, vers 7 ans, je suis allée chez ma nourrice qui m'a élevée. Et même là-bas, j'avais des attouchements. Mmh. Dont le grand garçon, qui était mon aîné peut-être de 10 ans à l'époque, en fait, il se couchait carrément. Une nuit, je l'ai surpris coucher sur moi. Mmh. Il était en train de jouir sur moi. Mmh. Et j'étais vraiment très surprise. J'étais très surprise. Mais le problème, c'est que quand tu es petite, tu ne sais vers qui aller. Tu ne peux pas te confier à quelqu'un. Mmh. Parce que déjà, même là où tu vis, on te fait comprendre que ce n'est pas grave, quoi. Mmh. Que, en fait, tu es carrément réduit à la ménagère, carrément. Donc, tu n'as personne vers qui te tourner. Et c'est comme ça que j'ai gardé ça en moi jusqu'au jour où j'ai rencontré mon mari et que je lui ai tout raconté, quoi. Mmh. Et les viols aussi, que j'ai échappé beaucoup aux viols, surtout même des personnes âgées et tout. C'est pourquoi, à un moment donné, en fait, j'ai dit au Seigneur que vraiment, moi, je ne veux plus des hommes. Je ne vais pas donner mon corps à un homme jusqu'à ce que je me marie. Donc, c'était un peu ça, mon frère. Même à un moment donné, voilà, j'allais m'oublier. À un moment donné, même à l'âge de 7 ans, là, quand je suis allée chez ma nourrice, il y a mes petites voisines aussi qui étaient considérées aussi comme des ménagères dans leur maison. Elles m'ont dit qu'elles avaient des attouchements. Et elles m'ont demandé que, bon, qu'on se touche aussi pour voir vraiment ce que ces hommes-là cherchent chez nous. Ce qu'ils cherchent. Mmh. En fait, c'était... J'étais, en fait, chez moi, c'était plus les questionnements. Je me demandais, mais pourquoi est-ce que ces gens ont tendance à faire ça? Donc, voilà un peu mon frère. Et dans votre recherche, vous êtes touché entre vous, les ménagères. Vous arrivez à quelle solution? Qui cherche quoi sur vous? Mon frère, moi, je leur ai dit carrément que franchement, moi, je ne sais pas ce qu'il y a de bien dans tout ça. Et ça s'était arrêté là, quoi. Mmh. Ça s'était arrêté là. Donc, Et dans ta vie spirituelle, maintenant connaissant le Seigneur, parce que dans le monde, on peut ne pas savoir quel est l'impact. Maintenant, quel impact tu penses que tous ceux et celles qui subissent ces tentatives, c'est des viols, des caresses, des violences psychologiques concernant le domaine sexuel, quel est l'impact dans leur vie spirituelle? Qu'est-ce qu'il faut faire, selon toi, ma soeur? Ah, je pense qu'il faut la repentance. Il faut la repentance déjà, premièrement. Enfin, rester au pied du Seigneur, hein. Prier aussi même pour ceux-là qui ont eu affaire à poser ces jardins. Demander aussi pardon à Dieu, même si on croit qu'on était innocent, mais demander aussi pardon à Dieu. Moi, personnellement, j'avais même dit à mon chef que je dois inviter mon cousin là, sa femme, et lui parler de ça, quoi. Oui. Et lui dire, franchement, je ne suis pas au pied. Et qu'il prie aussi beaucoup, parce que ça, ce sont les esprits qu'on a invités dans la famille. Oui. Et étant donné que lui-même, il a même beaucoup d'enfants, ça peut se produire entre ses enfants. Et ça s'est produit, effectivement. Merci beaucoup, ma soeur. Que le Seigneur te bénisse. Amen. La Bible déclare, et nous avons lu ici dans la dernière fois, dans le livre des Lévitiques, au chapitre 18. Dans Lévitique, chapitre 18, les versets 19, 20, la Bible déclare, tu ne t'approcheras point d'une femme pendant son impurité menstruelle pour découvrir sa nudité. Beaucoup de personnes ont couché avec des hommes durant la période de menstruation. Vous savez pas, vous appelez ça la période que vous perdez votre règle, vous ne voyez pas, pour souligner. En ce moment-là, des gens qui sont dans des loges, qui ont qui font des rapports sexuels, le font exprès parce qu'en fait ils tirent des sources d'énergie. On nous a eu revenu. Mais je veux insister sur un cas parce qu'il y a des gens qui ont eu à flirter plutôt avec le verset. Parce que pendant que la soeur a parlé, et puis ça me revient là, je suis obligé de lire ces versets avant de lire pour qu'on entre là-dedans. Dans le verset 20, la Bible déclare que tu n'auras point de commerce avec la femme de ton prochain pour te souiller avec elle. Regardez-vous à l'esprit cela. Tu n'auras point, nous sommes dans Lévitique chapitre 18, verset 20. Tu n'auras point commerce avec. Commerce, ça ne veut pas dire qu'aller vendre le pain ou bien vendre les marmites. Comprenez bien ce que ça veut dire. Tu n'auras point commerce avec la femme de ton prochain pour te souiller avec elle. La Bible déclare au verset 22, tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination, dit la Bible. Le verset 23, et c'est cela. Écoutez bien, verset 23 de Lévitique, chapitre 18. Tu ne coucheras point avec une bête. C'est cet aspect que le Saint-Esprit veut qu'on accélère et qu'on touche également. Il y a des gens qui ont eu à flirter plutôt avec des bêtes. Regardez, tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. Point. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. Vous voyez que si une femme fait la prostitution avec la bête, normalement la prostitution, on prend le salaire. Tu peux accoucher avec une bête. La chèvre va te donner quoi? Bon, regardez ici. Il dit, la femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une confusion. C'est-à-dire que la femme sort de chez elle, elle voit peut-être la poule, la chèvre ou bien le chien. Elle dit que mon chéri, donc ça veut dire la femme a la confusion, elle ne connaît plus la différence entre l'homme et les animaux. Dieu a interdit la bestialité, la zoophilie. Dieu a interdit la sodomie. L'homosexualité a interdit. Et c'est exactement en transgressant cela. Quand vous voyez les gens qui sont dans les cercles de pouvoir, on dit maintenant aux jeunes garçons que si vous voulez être riche, vous voulez jouer au football, vous voulez faire quelque chose, réussir dans la musique, il faut entrer dans tel cercle, aller dans tel bureau, le monsieur va vous initier et vous donner votre derrière, comme ils disent. Et en faisant comme ça, ils invitent les démons correspondants dans votre vie et les gens commencent à réussir en étant fameux. Mais en étant fameux, ils fanent. La France, la femme dans la sainteté. Bonsoir encore une fois de plus, bienvenue. La soeur Reine, tu voulais parler, y a-t-il quelque chose à lire? Oui, mon frère, je vais lire. Avant que tu ne lis, je veux que les gens écoutent bien ces voix-ci. Le Saint-Esprit parle principalement ce soir et particulièrement à celles et ceux qui se sont approchés des animaux, qu'il faut la délivrance. Oui, ma soeur, vas-y. Il y a une soeur qui aimerait rajouter que lorsqu'elle se masturbait la nuit, le matin, elle se sentait très fatiguée, épuisée et très bizarre. Il y a une autre soeur qui dit, bon, je vais écrire ici pour laisser parler aux soeurs parce que j'ai déjà parlé. Je voulais expliquer que les attouchements que j'ai subis ont commencé par mon grand frère, fils de mon père, qu'il a eu avec une autre femme que ma mère. Mon grand frère a essayé d'abuser de moi quand j'étais à Kinshasa. J'avais moins de 5 ans, je pense. C'est comme si c'était un jeu pour lui. Ensuite, à l'âge de 12 ans, j'avais un professeur que j'aimais bien. Le professeur en question, je l'aimais bien. Je crois que j'étais amoureuse de ce professeur. Un jour, le professeur est venu me voir. C'était un professeur de natation. Il nous voyait souvent en maillot de bain. À l'époque, j'étais une fille qui avait des formes. Et donc, le professeur en question est venu me voir en aparté et m'a dit que j'étais sa préférée et moi j'étais contente. Le professeur l'a été marié et avait aussi des enfants. Mais il m'avait fait comprendre qu'il était attiré par moi alors que j'avais 12 ans. Je reviens sur le cas de mon grand frère qui voulait coucher avec moi depuis plusieurs années. Mon grand frère est devenu homosexuel. Je ne sais pas s'il était homosexuel depuis, mais mon père l'a découvert et l'a insulté parce qu'il couchait avec les hommes. Jusqu'à maintenant, mon grand frère est toujours homosexuel. Ok. C'est tout, mon frère. Voilà la destruction donc, de la race humaine. Voilà la perversion donc, de ce que le démon fait dans notre... Une fois de plus, je salue votre courage. Je salue tout ce que vous faites, malgré ce que ça va amener dans des familles, malgré ce que ça pourra causer, malgré les répercussions que vous pourrez avoir dans votre chair. C'est un parcours nécessaire, une étape nécessaire pour la restauration. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. D'accord, mes soeurs. La soeur Elena. Allô. Oui. Oui, c'est la soeur Ophélie. Oui, la soeur Ophélie, bonsoir à toi. Bonsoir, mon frère. Il y a des choses terribles, pas vrai? Tu dis? Il y a des choses terribles qu'on entend ici, n'est-ce pas? Je te dis terrible, mon frère. Mm-hmm. Alors, aujourd'hui, en fait, j'ai eu un songe dans lequel je m'étais trouvée, en fait, dans la chambre, et dans une chambre, en fait, et du coup, j'étais avec mon téléphone, et il y a un ami, en fait, que je connais et tout, qui aime beaucoup les femmes et tout ça. Et dès qu'il est venu, en fait, c'est comme si sur mon téléphone, il y a plein de films, les petites icônes des films pornographiques, en fait, qui ont commencé, en fait, à défiler sur mon téléphone. Et je voyais mon téléphone, en fait, mais ça me paraissait bizarre parce que j'avais pas téléchargé, j'avais rien fait et tout. Et du coup, il a commencé, en fait, à se moquer de moi en disant que, toi, tu regardes des films pornographiques et tout, machin, tout ça. Et je dis, mais non, de fond, tu es touché. J'ai pas téléchargé, j'ai pas du tout ces choses, en fait, dans mon téléphone. Et j'ai demandé en fait au Saint-Esprit pourquoi il m'avait montré cette chose-là, mais en fait c'était vraiment dans la suite de ce qu'on avait commencé hier, c'est-à-dire le nettoyage en fait. Mmh. Et il faut dire que le Seigneur m'a tout simplement révélé les choses cachées en fait, comme il a l'habitude, les choses cachées de nos vies. Mmh. Et moi par exemple, exactement comme certaines autres sœurs et tout, moi j'étais effectivement aussi très accro à la masturbation. Je regardais beaucoup de films pornographiques et tout. Mmh. Vraiment, c'était vraiment terrible en fait. Et il faut dire que c'est certainement ça qui a aussi amené beaucoup de maris de nuit dans ma vie. Mmh. Et tout. Et après, j'ai compris beaucoup de choses. Et là, j'étais en train de dire, et par rapport justement à mes goûts. Que se passe-t-il maintenant alors que tu viens de dénoncer les puissances des ténèbres, la sœur? Que se passe-t-il? Mais je pense que le Saint-Esprit m'interpellait pour que je puisse vraiment parler et puis dénoncer les œuvres des ténèbres afin moi-même de pouvoir trouver ma délivrance, tout simplement. Absolument. Donc. Là, en fait, justement, il avait un jour, en fait, j'étais couchée et il m'avait fait des attouchements et tout ça. Et après, quand je me suis levée, en fait, à un moment, j'y prenais plaisir, mais à un moment, voilà, j'ai dit non, quoi. Et là, il m'a dit non, pardon de ne pas dire et tout aux gens, tout ça. Et j'avais aussi un autre cousin avec qui, limite, on s'aimait vraiment et tout. Vraiment pensait que limite on allait vraiment sortir ensemble et tout ça, et nos parents, enfin sa mère avait dit non, les enfants c'est pas bon et tout, vous êtes des cousins, c'est la famille, c'est le lien du sang et tout, parce qu'elle avait flairé le truc et on avait justement même failli coucher ensemble et tout. Et je ne sais même pas ce qui s'était passé. Je crois que c'est un truc que je ne pouvais pas rentrer dedans ou un truc comme ça. Et je vous assure, je vous dis des trucs vrais, vrais, quoi. Et après, bah, on a arrêté et tout, on a laissé. Et il y avait un autre cousin, quand j'étais un peu plus petite, hein, genre peut-être 7 ans, 8 ans et tout. Et on faisait, on jouait et tout, on s'aimait aussi beaucoup. C'était mon cousin préféré. On faisait les attouchements et tout, tout ça. Et on avait un oncle qui avait plein de films pornographiques. En fait, c'est comme ça en fait, qu'on avait en fait, des films pornographiques et tout. Et nous, on avait une stratégie, c'est que comme on avait un PC, on avait un PC à la maison, et comme on se partageait les petites vidéos via portable et tout, vous voyez, les enfants et tout, via Bluetooth, tout ça, c'était la mode à cette époque-là. Et du coup, les petites vidéos et tout, on venait les cacher dans des dossiers cachés de l'ordinateur. Quand on va sur post-culture et tout, on va dans les XX programme 86 files, des choses comme ça et tout, et tu vois, on clique, on va cacher ça dans des dossiers cachés de sorte que personne ne peut retrouver. Personne ne peut retrouver ça tout le temps. Non, mais on avait des techniques, mais vraiment, si ça, ce n'est pas la sorcellerie, je ne sais pas ce que c'est. Franchement. Donc, voilà, moi, je voulais partager ça, franchement, parce qu'il fallait que je parle de ces choses-là pour me libérer aussi, quoi. Amen. Voilà. C'est vrai. Vraiment, c'est vraiment à pousser un ouf de soulagement, n'est-ce pas? Que le Seigneur te bénisse. Un bonsoir particulier à ton mari. Là. Comment ça? Oui, merci. Qu'il te bénisse. Shalom. Oui. C'est la sœur. Qui parle? C'est la sœur Suzanne. La sœur Suzanne. C'est Suzanne, si c'est toi qui parles là, c'est grave. Tu vas vraiment parler? Je vais parler, mon frère. Tu sais ce que ça va amener, n'est-ce pas? Je sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, dans cette troisième partie, je vous aurais prévenu. Il ne faut pas que je dise quelqu'un dit t'es un frère junior, rescousse. Je ne suis pas sapeur-pompier. D'accord? Alors, tu as la parole, ma soeur. Ah, mon frère, tu m'as jeté le feu comme ça, là. En tout cas. C'est valable pour tout le monde. Ouais, c'est vrai. En fait, quand j'avais 10 ou entre 10 ou 11 ans, je me souviens, il y avait une voisine au quartier qui un jour m'a appelée. Elle m'a dit, viens, on va jouer maman et papa. Ça, c'était une fille. Alors, elle est arrivée. On est arrivé dans la chambre. Elle m'a dit, viens, je vais te montrer. Donc, je me suis couchée sur le lit. Elle est montée sur moi et a commencé à faire des mouvements comme si c'était un homme. Ça, là, c'est quelque chose qui m'a marqué. Je sais pas pourquoi. On a fait ça une fois, mais ça m'a marqué. Et à chaque fois que je pense à cette fille, je la connecte toujours à cet acte-là. Et puis, je me souviens aussi que avant ça, tout avant l'âge de 10 ans, comme ça, là, on avait un boy à la maison. Et ce boy-là, j'ai l'impression que, parce que je cherche souvent, je demande au Seigneur de me rappeler s'il y a des souvenirs encore qui ne me reviennent pas, qui me reviennent, quoi. Ce boy-là, je me souviens qu'il a failli souvent me violer. Donc, le boy, ce sont les garçons de maison, les gouvernants de la maison, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, exactement. Donc, il vivait à la maison, c'était un gars du Nord, c'était, on va dire, un nordiste. Donc, il vivait à la maison et... Donc, parfois, pour passer, on pouvait passer par sa chambre pour arriver à l'extérieur. Donc, il a voulu, je pense qu'il y a des fois comme ça, là, il voulait me violer, mais j'arrivais à échapper. Je te dis, j'avais comme 5 ans. Ensuite, dans l'adolescence, j'ai rencontré, j'avais souvent des difficultés avec ma maman. Donc, c'est qui son cousin? On va dire que c'est son cousin. Son cousin, qui était comme mon oncle, était arrivé à Yaoundé. Et je allais sans me confier à lui. Je me disais, bon, au moins s'il y a une oreille attentive qui va m'écouter, donc je vais me confier à lui. Donc, j'allais souvent là-bas. Jusqu'à ce qu'un jour, je suis arrivée. Et puis, bon, c'était naturel. On allait souvent se retrouver dans sa chambre. Tout naturellement, il n'y avait pas de problème. Mais on est arrivé là-bas ce jour-là. Et j'étais là dans la peine. Et il me dit, viens te coucher à côté de moi. Et puis là, il commence à me caresser. Là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ça commence à tiquer dans ma tête. Il commence à me caresser. Il me demande, est-ce que tu as déjà connu l'homme? Je lui dis non. Est-ce que tu ne vois pas que tu es déjà vieille? Ça ne te tente pas? Est-ce que tu as peur? Bref, Dieu merci, je n'ai pas cédé. Et lui aussi n'a pas forcé. Donc, je remercie le Seigneur parce qu'il m'a toujours vraiment éloigné du viol. Donc, c'est passé comme ça. Mais ça m'a marqué négativement. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à mettre une distance avec cet oncle-là. Ça fait qu'on n'a plus eu de contact. Il a quitté le Cameroun, il est retourné en Allemagne. Et puis, on n'a plus le contact. Je suis venue ici au Canada, j'ai eu son contact. Il a cherché à rentrer en contact avec moi. Je pense que je n'avais pas parlé de cette scène-là à mon mari. Ce qui fait que quand mon mari savait ça, même mon mari ne voulait plus qu'on ait des contacts. Bref, moi aussi, je ne voulais plus avoir des contacts avec lui. Donc, j'ai été un peu distante avec lui. Ça fait qu'on a pu continuer à garder le contact. Mais une autre scène dans ma vie que je vais aussi dénoncer, c'est quand j'étais étudiante. Mon mari, lui, était... à ce moment-là, elle était hors du pays. Et bon, on n'était pas encore mariés, mais on m'a dit que c'était mon mari. Et je me masturbais. Donc, je me masturbais, j'étais dans ma chambre d'étudiante et je me masturbais. Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais toujours est-il que c'est arrivé et je le faisais. Je l'ai fait. Et puis, à un moment donné, c'est parti. Je n'étais même pas chrétienne, mais c'est passé comme ça. C'est passé. Donc, quand je suis arrivée ici au Canada avec les Internet, il y a Internet. Il y a les films porno, c'est comme ça que j'ai aussi découvert les films porno et il m'arrivait d'aller voir les films porno. Donc, et puis c'est quand le Seigneur a commencé à m'appeler, que j'ai commencé à ressentir le besoin de chercher le Seigneur, que ces choses-là sont parties. Et donc c'est comme ça que j'ai eu ma délivrance de toutes ces choses-là, une à une. Et voilà quoi, les grandes. Je me suis aussi que. Toujours dans, c'est mon beau-père, donc le mari à ma mère. Une fois, nous sommes partis dans son village, et son neveu m'a appelé dans la chambre. Il avait une revue pornographique. Il m'a appelé, là, je dirais, j'avais entre 16 ans comme ça, 14-16 ans, je peux dire comme ça, oui. Je me souviens plus très bien. Alors, il m'a montré la revue pornographique, et croyant que ça devait m'exciter, et que peut-être que je devais céder. J'ai dit non. Il m'a dit, est-ce que tu veux qu'on essaye? J'ai dit non. Et Dieu merci, il n'a pas forcé. Moi, je dis toujours, quand j'écoute les histoires de mes soeurs, je dis, waouh, Seigneur Dieu, tu m'as souvent préservé dans toutes ces choses-là, quoi. Donc, Dieu merci, il n'a pas insisté, je suis sortie. Il a aussi appelé ma petite soeur pour essayer de faire ça. Et voilà, quoi. Et tu savais qu'il a appelé ta petite soeur? Oui, parce qu'elle me l'a dit. On s'en est parlé. Elle m'a dit, on n'en revenait pas. Mais on ne pouvait pas dénoncer aussi parce que c'est notre beau-père. C'est le mari de notre mère. Notre mère ne peut pas nous croire. Donc, c'est les choses que tu gardes en secret. Mais c'est comme ça. C'est comme ça qu'on a grandi. Donc, voilà un peu. Et bon, il y a aussi un petit détail là que je vais dire. Quand je me souviens aussi, toujours dans l'âge de l'adolescence, là, j'avais ma petite soeur. Ma mère avait accouché ma petite soeur. Ça, c'était, bon, quand je dis, moi, j'étais déjà adolescente, oui. Et donc, comme c'est nous qui portions l'enfant, il m'arrivait souvent d'apprendre à embrasser avec ma petite soeur. Mais un bébé, c'est un bébé. C'est quand je pense à ça, je dis, mais ça venait d'où ces idées-là? Ça venait d'où? C'est comme on prenait les enfants, on embrasse, mais là, c'était quand même dans le sens pervers, quoi. Et tu es arrivé à quelle conclusion par rapport à ta quête, à ta question? D'où est-ce que ça venait? Ah, c'est un lien spirituel, c'est ce que je me dis. C'est un lien spirituel. Et je ne sais pas, c'est un lien spirituel. Moi, je pense qu'il y a un lien spirituel. D'où ça vient maintenant? Je ne sais pas de qui ça vient, mais je crois que c'est un lien spirituel. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Amen. Ouf, la soeur Elena. Frère Junior. C'est qui? La soeur Kelly? C'était la soeur Hélène, mon frère. La soeur Hélène. Ok, tu veux parler aussi? T'as pas fini déjà, non? Mon frère. Tu veux parler, ma soeur? Oui, mon frère. Ok, vas-y alors. En fait, je voulais parler parce que je me retrouve vraiment dans beaucoup de ce que mes sœurs ont dit, dans les attouchements, les jeux de papa-maman, les avortements, Je vais mettre l'accent sur certains épisodes. Il y avait aussi, il y avait, comme ma soeur disait, il y avait un monsieur qui travaillait à la maison, au village. Et quand on y allait, c'est un monsieur qui me faisait asseoir sur ses genoux. J'étais petite, hein. Et il me faisait asseoir sur ses genoux et il se masturbait. Il se frottait son sexe sur moi et il jouissait comme ça. Enfin, à l'époque, je voyais un liquide sortir, justement, et je me disais que c'était du vin de palme. À la main. Mais je ne comprenais pas tout. Et quand j'ai un peu grandi, bon... Après, un jour, j'ai voulu attraper un chat pour le violer, mon frère. Donc, c'est de toi dont on parlait, Et il s'est enfui. Cet épisode-là est passé. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette pensée-là, cette idée-là. C'est passé ce jour-là. Plus tard, je regardais souvent des vidéos et des animaux qui couchaient ensemble, en fait. Et je ne savais pas. Pourtant, depuis plus jeune, toute petite, je ne sais pas, mon frère, en fait, je me sentais qu'il fallait que je me garde pure. Mais je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas, j'arrivais à faire des choses qui étaient contre, qui étaient à l'intérieur de moi. Courage, ma soeur, parle. Parle, ma soeur. Que le Seigneur te fortifie. Mes soeurs, pendant que vos soeurs sont en train de souffrir comme ça, priez, intercédez pour elles. Que Dieu vous bénisse. Bon, et après, l'âge où je suis là maintenant, je déteste tellement les choses. Parce que quand j'ai commencé à prier, ces choses-là ont commencé à revenir et j'ai commencé à tellement détester les chats. Un chat, il faut qu'il passe très loin de moi parce que je vais lui verser de l'eau, je vais le taper. Je déteste parce que ça me rappelle cet épisode-là. Alors, ma soeur, tout à l'heure, là, j'ai dit que le Saint-Esprit de m'insister, que je parle des gens les gens qui vont vers les animaux. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer. Et c'est une confusion, dit les Saintes Écritures. Courage, d'accord, ma soeur. Courage. Courage. Courage. Vous êtes vaillante. Je crois que le monde des ténèbres va dire qu'il y a des groupes de personnes sur la Terre qui ont décidé d'en découdre avec nous. Et nous en sommes fiers parce que nous appartenons au camp du gagnant. Celui qui a vaincu à la croix, à Golgotha, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est courage. Frère Junior. Attends, la soeur Hélène finit d'abord. Non, viens, attends, ton nom est sur la liste, ne t'inquiète pas. Mon frère. Donc, en fait, c'est ces choses-là que je voulais vraiment souligner. Et il y a eu aussi beaucoup, beaucoup d'avortements. Et c'est vrai que on se bat avec. Chaque fois, je prie, mais ces pensées reviennent toujours. Et chaque fois, je demande pardon au Seigneur, mais je me sens toujours sale. Oui. Vous vous souvenez, dans une des fois, je suis venu là et nous avions parlé. Le Saint-Esprit a dit, donne-nous les orientations des sujets de prière. Seigneur, éclaire nos ténèbres. N'est-ce pas, mes frères, mes soeurs, vous vous souvenez? Amen. Éclaire nos ténèbres. Que prier, Seigneur, éclaire nos ténèbres. Comment Dieu peut dire de prier de cette façon-ci, éclaire nos ténèbres? Donc, ça veut dire qu'il y a des zones que les ténèbres se trouvent, les zones de ténèbres se trouvent en nous. Et il faut éclairer. Quand on dit éclairer, ça veut dire qu'il faut qu'il jette un pan de lumière, une lueur de lumière là-bas pour qu'on puisse voir les ténèbres. Parce qu'on ne dit pas que les ténèbres deviennent la lumière, il dit éclaire les ténèbres. Ça veut dire qu'il donne la révélation sur les ténèbres qui se cachent. Et là, vous voyez, le Saint-Esprit déploie ces choses-ci. Lorsque les ténèbres sont éclairées, ils sont mises à nu. Elles sont mises à nu. Maintenant, la confession est là et puis c'est le nettoyage. D'accord? Donc, mes soeurs, désormais, vous allez plus prier après ces choses-ci, après ces événements que le Saint-Esprit fera. Vous n'allez plus prier avec ces choses-ci comme poids de culpabilité dans l'âme. Vous sentirez véritablement la liberté qu'est en Christ Jésus. Par ce style de liberté, vous voyez effectivement les gens dans le monde qui sont des homosexuels et autres là-bas essaient de prendre la drogue pour essayer de fermer leur conscience pour ne pas voir de choses. Ici, vous serez lucide, sachant que vous êtes un peuple racheté, un peuple qui a été acquis par le prix du sang de Jésus. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Ma soeur, elle a un courage, d'accord? Amen. Le Seigneur est en train d'amener la restauration dans nos âmes. Ne vous inquiétez pas, on va travailler avec les hommes, vous allez entendre des choses. Vous n'êtes pas les seuls. Remarquez que sans exception, il n'y a pas de famille qui n'est pas touchée par ces choses. Sans exception. Imaginez combien de familles se trouvent sur la terre. Je dis encore une fois de plus, je répète, nous sommes une poignée de moins de 100 personnes ici, là où nous sommes en train d'observer. Et vous voyez que sans exception, chacun pour sa part a été touché. Prenez une dénomination de 400 personnes, 1000 personnes, où on se vante chaque dimanche que nous sommes plus de 500 chez nous. Nous sommes 50 000 chez nous, 50 000 masturbateurs. 50 000 démons. Imaginez que si chaque, on est 50 000, on dit, oh, nous sommes la plus grande église. Il y en a 50 000 et chaque personne a ses 100 démons. Vous imaginez la réunion de combien de démons se trouvent là-bas. Que Dieu nous en préserve. Alors, ce serait mieux d'avoir même 10, si les 10 sont de bonne qualité pour entrer au ciel. Puis, le Seigneur nous donner de travailler sur nos âmes véritablement. Amen. C'est quand même curieux qu'on écrit dans le Nouveau Testament, pour ceux qui sont censés être sauvés, rechercher la paix et la sanctification. Qu'on recherche la paix. Travailler dans la sanctification. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Quelqu'un dit non, je suis bon déjà pour moi. En tout cas, que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, mes soeurs. Vous n'êtes pas fatigué, n'est-ce pas? Non, mon frère. La sœur Natoucha, c'est toi qui parles là, non? C'est oui. Ta voix que j'ai entendue. Rebonsoir maintenant. Bonsoir, mon frère. Comment tu as fait des recherches scientifiques sur ta famille, sur la famille, parce qu'il était question hier. Que tu avais envoyé. Oui, mon frère, j'ai fait les recherches. Les recherches sont encore en cours de téléchargement. En cours de téléchargement. Ok. Donc, alors, on laisse la scène à tout. Tu voulais dire quelque chose ce soir encore? Non, mais en fait, je voulais dire. J'ai ma soeur consanguine, ma petite soeur consanguine, qui m'avait envoyé son fils en vacances l'été dernier. Il a 5 ans. Alors, elle me l'envoie en vacances. Je les amène en Allemagne. J'ai d'autres nièces là-bas, en Allemagne. Je l'amène lui et les deux enfants de ma nièce qui sont en Suisse. L'un a 10 ans et l'autre a 5 ans. Et la fille a 5 ans. D'abord, elle est née le même jour que mon neveu de... Qui était venu en vacances. Ils ont tous 5 ans. Je les amène en vacances en Allemagne. Et là-bas, à chaque fois, mon petit-neveu, là, il appelait toujours la fille de ma nièce. Allons jouer dans la chambre, chaque fois. Et moi, je ne mettais pas l'accent dessus. Je me disais que ah, c'est des enfants. Et ils ont leur jeu et tout. Et surtout qu'ils prenaient avec eux les Legos et tout ça, ils allaient dans la chambre. Alors, un jour, comme les enfants, hein, je passe devant la porte de la chambre qui était ouverte, je les vois sous la couette. Quand j'entre, j'enlève la couette, je trouve que le petit, mon neveu, est sur la fille de ma nièce, en train de l'embrasser. Alors, je leur demande, vous faites quoi là? La fille de ma nièce, elle s'est mise à pleurer. Et le garçon, il était là, solide, comme si c'était rien passé. Il était vraiment là, il me regardait les yeux dans les yeux, avec un air furieux et tout, comme s'il me menaçait. Non, tu l'as dit, tu as dérangé son mignon. Le gars était sec, quoi. Oui. Alors, quand je demande, je leur demande, dites-moi ce que vous étiez en train de faire. Le garçon, il regarde la fille avec un regard menaçant et la fille a peur de parler. Et moi, je retiens le garçon, non, je retiens la fille dans la chambre Et ma nièce, je lui demande, mes nièces chez qui on était en Allemagne, je lui demande de prendre le garçon et de l'amener à la cuisine et de l'interroger. Parce que si on les interroge ensemble, il va influencer la fille. Alors, je n'ai même pas fait 5 minutes avec ma fille, avec la fille, qu'elle m'a tout raconté dans les détails. Il m'a amené dans la chambre, il m'a embrassé, il a mis sa langue dans ma bouche, il a commencé à me toucher. Et je lui ai demandé, il a descendu son pantalon, il a enlevé sa culotte, elle me dit non. Je lui ai dit, mais pas aujourd'hui, les autres fois, chaque fois qu'il n'a rien, elle me dit non, il m'a juste embrassé et tout. Alors, mon neveu, dont ma nièce a interrogé de l'autre côté, ils ont fait pratiquement 30 à 45 minutes. Il n'a dit qu'un mot. On l'a menacé, il n'a pas parlé. On l'a supplié, il n'a pas parlé. Il était seulement là en pleurs. On lui a même dit, si tu ne dis pas, je vais appeler ta maman, on va lui dire, il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Et tout ça. Donc, et je me suis énormément voulu parce que c'était moi, j'étais considérée comme leur maman là-bas. Donc, je n'ai pas été vigilante à ça, quoi. J'espère que, parce que après, je lui ai parlé, je lui ai dit que si ça se répète encore, sa maman sera au courant. Et que comme il rentre au Cameroun là-bas, il faut qu'il aille lui-même dire à sa maman. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas dit. Quand celui va bien dire, comment ça? Pardon? Quand celui va très bien dire. Ah ouais? Tu parles. Et comme c'est frère, et comme c'est une famille polygamique, c'est assez assez délicat, parce que moi je ne pourrais pas prendre la responsabilité de dire à sa mère qu'est ma sœur consanguine. Elle n'allait peut-être pas croire, elle allait peut-être dire que j'ai vendu des histoires et tout, mais j'ai fait ce qu'il fallait faire à mon niveau, lui parler et de lui dire de ne plus recommencer. L'enfant à quel âge? 5 ans. Il faut dire à sa maman, nonobstant du fait qu'on va te traiter, du fait que tu as fait quoi. Tu ne sais pas si la maman a d'ailleurs eu des rapports d'accusation vis-à-vis de l'enfant et que peut-être ton témoignage viendrait plutôt confirmer. Ou mieux encore, en disant que ce sera un premier témoignage, même si elle ne te croit pas, plus tard, une autre personne pourra encore dire cela étant au Cameroun. Donc, il faut essayer de ne pas si, faire ces choses-là. Donc, l'enfant n'est pas conscient, n'est pas à l'âge de conscience, mais il se trouve être l'habitation d'un esprit, d'un vieillard. D'accord, ma soeur? Donc, il faut faire ça rapidement. Oui. D'accord. Okay. Donc, nous attendons le téléchargement. Quand ça sera plein, le tout ça sera plein, tu nous reviens, n'est-ce pas? D'accord. Souviens-toi du vin de palme. C'est à toi que j'ai parlé de vin de palme, n'est-ce pas? Des personnes qui transportent le vin de palme. Parce que ça souffre. Oui, voilà. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai parlé tout à l'heure, là, parce que le Saint-Esprit veut qu'on y insiste. Des femmes, je crois que j'ai mis le verset sous le dalle, dans votre forum là-bas. Tu ne t'approcheras point d'une bête comme on s'approche d'une femme. La femme ne s'approchera pas de la bête, c'est de la confusion. N'est-ce pas la sœur Carole? Il y a du nouveau dans ce forum-ci. Frère Junior. Oui, qui parle? C'est la sœur Laetitia depuis Yaoundé. Oui, tu es même la deuxième sur la liste. J'arrive vers toi, s'il te plaît. J'ai écrit ton écriture est faite avec le stylo à couleurs différentes. J'arrive. D'accord, ma sœur? Oui, là. En fait, tu m'as appelé. Oui, y a-t-il quelqu'un qui a écrit oh, non. Je ne sais pas si ta connexion est bonne, si ça, ton son est bon là. En fait, je ne sais pas si on m'entend bien. En fait. Je pense qu'il y a une sœur qui a écrit ma grand-mère avait une chienne qui aimait dormir au salon, et chaque fois que la chienne se couchait, je voyais ses parties intimes. Et un jour, j'ai commencé à toucher ça en me masturbant. Que le Seigneur me pardonne, et pardonnez-moi aussi mes bien-aimés. J'ai honte, c'est atroce. Je n'avais jamais vu ça nulle part, et pourtant j'avais ça dans les pensées. En voyant les parties intimes de la chienne, oui. Elle se masturbait. Elle touchait. Et un jour, j'ai commencé à toucher ça en me masturbant. Vous allez me donner le palu ici. En tout cas, comment ne pas lui pardonner? On doit lui pardonner puisque chacun de nous a sa, écoutez très attentivement, chacun de nous porte des fardeaux. Donc, ça veut dire que nul besoin pour un être humain de culpabiliser un être humain, quel que soit le niveau de son péché, quel que soit ce que la personne a fait. Voici donc le pourquoi nous avons besoin du pardon et nous devrions pardonner. Parce que chacun de nous a été saboté par les puissances de Lucifer à des degrés différents selon les choses qu'il a été destiné pour toi. Et souvenez-vous, plus vous entrez dans les ténèbres, plus Dieu vous donne d'apprécier bien la lumière. Souvenez-vous de cette visite de cette femme qui était une pécheresse dans la maison de Simon quand il a été, Jésus notre Seigneur a été invité là-bas, et que cette femme venait pleurer à ses pieds, pleurer à chaudes larmes. Quand elle pleurait à chaudes larmes en versant des paroles, le Seigneur restait tout simplement tranquille parce que le Saint-Esprit était à l'œuvre pour travailler dans la vie de cette femme. Elle voyait le poids de ses péchés qui a été pardonné. Souvenez-vous, pour les filles qui font les rues, elles sont toujours incarnées par des principautés pour pouvoir amener les gens dans le péché. Parce que la Bible déclare que le chez elle, c'est le chemin de séjour des morts. Je vous avais dit ici que toute personne qui va dans ce péché sexuel là-bas, il y a une corde qui est attachée qui les tire vers le bas, vers le séjour des morts. Le Seigneur Jésus est tenu là-bas. Et ce monsieur a commencé à dire, si cet homme c'était un prophète, il saurait que cette femme c'était une femme de mauvaise espèce, de mauvaise vie. Vous voyez comment l'être humain est prêt à le faire, non? L'être humain est prêt à culpabiliser, à condamner. Pourtant, la personne qui est en face se trouve dans l'impasse et cherche la solution, comment s'en sortir. Au lieu d'aider cette personne plutôt à s'en sortir, on l'enfonce plutôt. Grave encore, ça se trouve en milieu chrétien. Quelqu'un voit son frère pécher, la Bible lui donne les injonctions de prier pour cette personne, pour que la personne soit revenue, que la personne revienne de la voie du péché. Mais c'est plutôt les accusations. Et vous voyez dans le monde spirituel, quand vous accusez vos frères, ce sont les flèches que vous envoyez en sa direction. Vous envoyez les démons en sa direction parce que les pensées et les paroles que vous projetez, ce sont les esprits que vous envoyez dans sa direction pour pouvoir persécuter davantage une personne qui est déjà atteinte de coups mortels de la part de l'ennemi. On veut aller l'achever. Or, il faut construire les murs de protection avec l'amour, avec le pardon, avec la prière sur cette personne pour que la personne puisse se relever, pour que le Seigneur lui accorde la force de se relever. Donc, le Seigneur, connaissant la pensée, a dit, Simon, depuis que tu es entré ici, tu m'as donné l'eau. Mais depuis cette femme-ci, depuis qu'elle est entrée ici, elle n'a cessé de laver mes pieds avec de l'eau. Tu ne m'as pas donné quoi que ce soit pour m'essuyer les pieds, mais elle a essuyé avec ses cheveux. C'est pourquoi ses nombreux péchés sont pardonnés. Et puis Jésus dit à celui à qui on pardonne peu, un peu. Regardez bien. Donc, l'amour que vous ressentez pour le Seigneur est proportionnel même aux quantités de pardon que vous avez reçu. À celui à qui on pardonne peu. Vous voyez cela, on pardonne peu, un peu. Donc quand vous voyez, plus vous êtes dans les profondeurs, plus quand vous sortez, vous appréciez la lumière. Plus vous êtes dans les ténèbres, plus vous appréciez la lumière quand la lumière prend à vous. Plus vous avez duré en captivité, plus vous appréciez la liberté de la captivité. Puis le Seigneur vient nous donner de comprendre ça. Donc en clair, nous ne devons pas culpabiliser. Donc comme l'ancien a demandé, pardonnez-nous mes soeurs. On n'a pas l'autre choix que de nous pardonner. Nous devons nous pardonner les uns les autres et ne pas nous regarder selon les péchés que chacun a vécu dans le passé. Parce que chacun a un passé au sombre noir. Les tableaux sont de différentes couleurs. Il y a d'autres qui sont noirs foncés, d'autres qui, avec le test de temps, le noir commence à devenir blanc. D'autres qui sont encore bien noirs, 9-9-9. Mais chacun a écrit sur le tableau noir. Et dans notre passé, nous ne pouvons pas les changer. Jésus-Christ seul est celui qui peut aller dans le passé, dans le présent, dans le futur et restaurer la chose et nous dire, vous êtes saints, je vous ai pardonné. Et si Christ dit donc qu'il nous a pardonné, qui peut donc nous condamner? Voilà pourquoi nous sommes là ce soir, parce qu'il y a quelqu'un qui est allé à la croix, il a résolu le problème qui était notre problème principal, le problème du péché. Écoutez très attentivement ce que les Saintes Écritures disent. La Bible déclare que je prends plaisir selon la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, mais je trouve dans mes membres une autre loi qui lui est contraire. Misérable qui je suis, dont les passions combattent dans nos corps. Ces choses-ci, ces puissances sexuelles, ces âmes détruites à l'intérieur, déconstruites comme le lieu où le porc a joué dans. Le porc se lave avec les bouches. Je ne sais pas, c'est la meilleure façon pour décrire comment l'âme se trouve dans cette direction-ci. Vous voyez là où on élève le porc et danse dans la boue. Quand vous voyez la boue là, c'est comme ça que l'âme est pour le cadre de la peau des péchés sexuels. Quand vous voyez ces choses-ci pour déconstruire cela, la Bible déclare que ce sont les passions qui se trouvent en nous. Quand quelqu'un est comme ça, si vous n'êtes pas délivré, vous allez vous cantonner. Concentré dans la Bible. Un jour, vous commencez à sentir des pulsions. Enfin, en quelque sorte, le Saint-Esprit vous montre, quand vous rêvez, donc vous commencez à avoir des rapports sexuels dans les rêves, pour vous montrer que quelque chose ne va pas. Votre sanctification doit être questionnée. Donc, il y a du travail à faire dans les profondeurs. Quand vous voyez ces choses-là, c'est le moment de rentrer dans les profondeurs. Le Saint-Esprit jette un pan de lumière que tu as des problèmes d'ordre sexuel. Dans ces temps-là, il faut regarder dans cette direction. Que Dieu soit béni d'éternité en éternité pour tout ce qu'il en est de faire pour les saints dans ces fins de temps. Et particulièrement avec vous, les prémices de cette sanctification des femmes. Les femmes qui ont décidé d'en découdre avec les choses de ce monde et jeter des choses que Satan a... Remarquez bien par où vous avez commencé. Si vous ne jetiez pas, pendant qu'on a parlé de jeter, il y a quelqu'un ici Il y a quelqu'un ici. Aza, Aza, Aza, Aza, Aza, c'est qui? C'est Aza, ça? Aza. Si quelqu'un m'écoute, il s'appelle ainsi. Qui s'appelle ainsi? C'est Az qui entend ici. Les soeurs sont... Vous ne parlez plus ou bien on arrête ce soir? Oui, en fait, il y a une soeur qui a dit qu'elle voudrait se confesser, mon bien. On arrive. La personne qui est en train d'appeler, il faut que cette personne... C'est parce que je suis en train de parler des... On a jeté toutes ces choses. C'est parce que ce sont des... Vous savez, nous allons y revenir dans le cadre du féminisme, des affaires... dans le cadre des affaires de la reine... la reine des prostituées. Pendant que j'étais en prière, que je voyais, je vais vous expliquer comment il revenait avec Jézabel. Vous voyez son trône, vous allez savoir de qui il est question. Vous allez comprendre pourquoi le prophète Élie a eu peur d'elle. C'est terrible. Elle a le trône en haut et en bas. Donc, son atmosphère est terrible. Et la sœur Kétia écrit quoi? La sœur Azizia. Voilà. Où est cette sœur-ci? Az. Elle nous écoute, elle est là ce soir. Je suis là, frère Junior. Oui. Je t'en ai parlé des objets de Jézabel et puis ton nom me revenait là. Qu'est-ce que tu en dis? Des objets, je ne sais pas du tout. Dans ce terme-là, je ne vois pas du tout. C'est vrai que comme toutes les sœurs, j'ai eu beaucoup de problèmes dans le domaine sexuel. Non, le domaine sexuel, d'abord, tu voulais parler dans ce domaine-là? Oui, non. Mais les objets de Jézabel, je ne sais pas du tout si ça veut dire quoi. Bon, je crois que ce sera moins qu'une femme âgée. Tu sais qu'on a dit quand vous avez des problèmes de public, vous demandez aux femmes âgées, non? Choisis n'importe quelle soeur là-bas parmi. Regarde les noms et tu les demandes. Les noms sont en minuscules, c'est pas marqué. La soeur Elka, c'est... Les prénoms, ils sont pas marqués, en fait, de mon téléphone. La sœur Elka, c'est moi. Oh, ben, voilà. Laetitia. Bonsoir. Shalom, la sœur Laetitia. Il n'y a pas personne plus mieux que la sœur Laetitia pour expliquer cela. Tu as bien fait. Tu as trouvé la bonne personne, alors. Que Dieu te bénisse. D'accord. Parce que avant que je ne connaisse le Seigneur, Jézabel et moi, on ne faisait qu'une seule personne. Nous y voilà. D'accord. Explique-lui bien en langage les simple. Les objets de Jézabel, c'est tout ce qui concerne, en fait, c'est-à-dire, comment dire, ce qui n'est pas naturel. Donc, les vernis, les mèches, les cheveux humains, les human hair, comme on appelait, les chaussures à talons, les objets de séduction tels que... les objets de les produits de maquillage. La seule étude, c'est quoi que ce serait? N'exagère pas, il ne faut pas la faire fuir. Je crois que ce serait bien que tu la laisses. Elle attend. Non, ça va, frère Julien, ça va. Donc, vous voyez que je me suis tourné, je ne suis pas responsable, n'est-ce pas? Les bijoux, voilà, les bijoux d'accord. En or et tout. Et même, enfin, ça, je veux dire. J'allais dire le port du pantalon aussi, également. D'accord. Donc, tout ce que tu viens de citer, sœur Laetitia, le pantalon, je le mets, je le porte encore parce qu'en hiver, bon, j'ai pas beaucoup de tenue, de robe. Je porte pas beaucoup de robe. Je mets plus des pantalons. En maquillage, je ne me maquille pas beaucoup. Vraiment. Si je sors et que j'ai un rendez-vous à l'extérieur. Et concernant les mèches, oui, je mets des perruques, des extensions. J'ai des cheveux naturels, donc des fois, quand je sors, je mets une perruque avec un foulard en dessous. C'est bon, ma soeur. Donc, en tout cas, j'ai entendu Az. Que parle à Az. J'ai parlé à Az. Ouais. Voilà. D'accord. Voilà. Parle donc de tes conflits. Donc, tu vois la professeuse Laetitia, n'est-ce pas? Elle est spécialiste dans le domaine jézabéloise. Donc, si tu veux n'importe quelle éducation, dans n'importe quelle spécialité, elle a fait sa thèse dans Jézabel, de la Jézabel à la femme. C'est sa thèse de sa soutenance, voilà. Donc, tu peux constituer sa thèse dans la bibliothèque Bamba Iba. Alors, ma soeur, tu voulais parler tout à l'heure de ces choses-là. Oui, de mes démons et de mes ténèbres. Oui. Quand je suis arrivée en France, je tu suis. Tu n'as pas honte pour le dire, tu n'as pas honte de le dire à des gens qui ne te connaissent pas ouvertement comme ça? Non, non, du tout. Non, parce que c'est un combat que je mène depuis longtemps et je pense que. Il est là d'en découdre. On est un peu tout. Voilà, on a tous vécu quelque chose et moi, vraiment, j'ai envie d'en terminer vraiment. Et puis, c'est. Voilà. Amen. Et là, c'est la première fois que tu te connectes ici. C'est la première fois, voilà, okay. Tout à fait, c'est la première fois. Tu es la bienvenue. Amen. Allons-y. Merci. Donc, comme je disais, je suis arrivée en Europe, en France, à Épinay-sur-Seine, chez mon grand frère. Je quittais la troisième au Cameroun, à Yaoundé. Et j'ai eu énormément de problèmes avec des garçons du quartier. C'était des personnes, des Arabes et des Africains. Ils m'ont violé, ils me forçaient à faire des choses. Quand tu dis ils l'ont fait en groupe. Ils étaient nombreux, oui. Ils étaient nombreux et j'étais dans la terreur parce que c'était comme une domination. J'avais tellement peur que pour moi je le faisais pour rentrer chez moi sain et sauf parce qu'à un moment donné ils menaçaient mon grand frère en disant qu'il connaissait où il habite et tout, il me ferait du mal. Et j'étais pas très habituée à leur façon de vivre parce qu'ils me faisaient vraiment peur. Ils avaient des accents, ils étaient très crus, très violents en fait. Donc ils étaient nombreux à me faire des fellations à maintes reprises. Ça a duré pendant plus d'un an. Attends, doucement ma soeur. J'ai l'impression que tu disais de quelque chose de passager, de tel ancien, que c'est peut-être une indication. Et puis ça s'est passé. Tu as dit ça a duré plus d'un an. Pendant presque un an et puis... À chaque fois, on t'a fait la même chose, des groupes de personnes. C'est ça? Oui. Wow. Vas-y, détaille, ma soeur. Oui. À chaque fois que je sortais de chez mon frère, il y avait du groupe qui m'attendait, ou bien dès qu'on me voyait sortir de chez mon frère, ils essayaient de m'interpeller. Et donc, ils essayaient toujours de me coincer dans un endroit ou dans une cage d'escalier. Et s'ils étaient deux, le copain appelait d'autres copains qui venaient par la suite. Et c'était ça tout le temps, quoi. À un moment donné, quand ils me voyaient comme ça, si mon frère m'envoyait faire des courses, ils m'emmenaient dans des chambres, dans des hôtels. Après, c'était pas que la fellation, c'était vraiment des actes avec des pénétrations et tout autre. Tout autre. Et là, tu n'as jamais dit ça à ton frère, ton grand frère avec qui tu habitais? Non, j'en ai jamais parlé. J'en ai parlé une fois à la sœur de ma mère. À la sœur de ma mère, c'est mon compagnon qui est au courant de tout. Louis Gatien, le frère de Louis Gatien, il est au courant de tout, mais ma famille, ils connaissent pas tout ça. Oui, pourquoi, en ce moment-là, tu leur as pas dit cela? Pourquoi tu as pas livré ces gens-là à la justice? Parce que j'avais très peur. J'avais très peur. Je n'osais pas et en même temps j'étais dans un conflit avec mes parents parce que ils trouvaient que j'étais pas très sage, je me concentrais pas dans mes études, que j'étais perverte, que je faisais j'avais pas une très très bonne réputation dans ma famille. Est-ce que c'était vrai cette accusation qu'on avait contre toi? Non, c'était pas vrai. C'est que j'ai subi beaucoup d'actes en me laissant faire. Quand j'étais au Cameroun, j'ai bu énormément d'alcool. Je me saoulais quand j'allais à l'école. Pourquoi, ma soeur? C'est par. C'était tout simplement pour, avec cette pression-là, pour essayer de dépresseuser les. Quand c'était au Cameroun, c'était par rapport à mes études, par rapport à la pression familiale. Parce que après, ma mère m'avait inscrite dans un lycée français, je me sentais rejetée, je ne trouvais pas ma place et j'avais un mal-être physique. J'avais un mal-être et donc je me cachais dans tout ce qui est alcool. Voilà, c'était vraiment ça. Je travaillais pas bien à l'école, je suivais des adultes. Bon, j'avais pas de relation, j'ai pas eu de relation en Afrique. Bon, vraiment, avant de voyager, j'avais eu un compagnon plus âgé que moi. Et c'était la première fois, c'était avant mon voyage en Europe. Et c'était ça. Et donc, quand je suis arrivée, je n'avais pas cette confiance et ce rapport avec mes frères qui étaient très autoritaires. Ma soeur, restons sur le cadre des viols en série, bien, durant toute une année. Pendant tout ce temps-là, tu n'es pas tombée malade, tu n'es pas tombée enceinte durant ces moments-là? Par la grâce de Dieu, non. J'ai rien eu. J'ai pas eu ce genre de problème. Mm. J'ai pas eu ce genre de problème. C'est avec mon compagnon, quand on se met, quand on en parle, des fois, je rends grâce à Dieu parce que je me dis, avec tout ce que j'ai vécu, j'ai pas eu le sida et autres. Et bon, après, bon, je reste sur les viols, oui. Ou je peux continuer la question là-bas. Pendant qu'on y est, est-ce que tu as pardonné, en parlant comme ça, ne pleure pas, comment ça, pendant qu'on y est, est-ce que tu as pardonné à ces gens-là, dans ton cœur, par rapport à tout ce qu'ils t'ont fait? Pardonner, je dirais que oui, j'ai pardonné, mais je n'oublie pas. Non, je n'ai pas parlé du viol, tu ne peux pas oublier, tu as besoin de nous raconter cela en série là. Donc tu leur as pardonné, si tu viens au Cameroun, tu peux le voir, tu dis que oh, Baba Ousmane, bonsoir mon gars. Ah, c'est en France, oui, si je les vois, bon, je passerai, j'aurai juste un petit côté serré, j'aurai le cœur un peu serré, mais je passerai sans problème. Oui, continue le masque, continue. Et bon, après ça, j'ai rencontré mon compagnon Louis Gatien. J'ai eu énormément d'adultères au sein de notre foyer. Attends d'abord. Tu es conscient de ce que tu as fait? Il est au courant de cela? Oui, il est au courant. Lâche-nous les choses. D'accord. Donc, j'ai eu énormément d'adultères à maintes reprises. On a failli se séparer à plusieurs reprises, mais par la grâce de Dieu, on est restés ensemble. Il m'a soutenu dans tout ce que j'ai vécu. J'ai eu énormément de rêves de nuit, de rêves de couches de nuit avec des serpents, avec des amis de ma mère. J'ai eu beaucoup de masturbation. C'était par rapport au plaisir. Donc, j'avais eu à fréquenter des sites aussi de pornographiques, quoi. Oui, mais là, jusque-là, pendant que cet état de fait, cette façon de faire pour chercher une certaine satisfaction que tu ne retrouvais nulle part dans toutes ces histoires-là, y a-t-il pas quelque chose en toi, une sémence en toi qui disait c'est mal ce que tu fais? Toujours. Je ne me sentais jamais heureuse après. J'avais toujours cette honte, ce dégoût pour la chose. Même quand j'ai eu ces adultères, quand je rentrais, il y avait toujours ce dégoût, mais c'était tellement plus fort. Des fois, bon, c'était des pulsions, c'était des pensées, c'était, voilà, cette envie de le faire. Et là, par la suite, après avoir fait cela, dans ta recherche, cette petite voix qui dit c'est mal, tu cherchais la solution, comment t'en sortir dans cette impasse, n'est-ce pas? Oui, oui. Et comment tu as procédé alors? C'est vraiment par la parole et avec la force que mon compagnon me donne aussi. J'avais une amie qui m'avait parlé aussi beaucoup de l'impudicité. Je regardais des vidéos sur YouTube et j'avais eu cette remise en question. Et par rapport à mon foyer, parce que il y avait beaucoup de dégâts et ça ne se passait pas très bien. Et j'avais vraiment envie d'arrêter parce que c'était comme si ça dominait ma vie, ça me dominait. Et je n'avais pas envie d'une vie comme ça. Comment tu t'en es sorti alors? Par la prière. Et je reste ferme et, en Jésus-Christ et je par la prière. Et quand tu vois le groupe dans lequel tu es mis maintenant, dans lequel tu en es de parler maintenant, comment on appelle ce groupe-ci? La femme dans la sainteté. Qu'est-ce que ça te dit? Ça m'évoque la pureté, apprendre à être quelqu'un, une bonne femme devant Dieu, devant notre mari, à chercher la sanctification, à chercher le meilleur en nous, à éviter tout ce qui est ténèbres, les voies du mal. Et as-tu écouté d'autres enseignements concernant cette femme de la sainteté et voir à quel niveau ça se trouve, le style des choses qu'on enseigne, qu'on y enseigne? Oui. J'ai écouté sur le style vestimentaire, j'ai écouté sur le fait d'appeler son mari, notre compagnon, notre chef. Oui. Sur le féministe, la féministe. Oui. Et dis-nous toutes ces choses. Qu'est-ce que tu recevais là-bas comme choc? Il y avait l'électricité là. Pas tant que ça. Pas tant que ça. C'est au niveau vestimentaire, oui. Mmh. Au niveau vestimentaire, parce que c'était des questions que je ne me posais pas. Mmh. Sur la façon de vivre, de se vêtir, de s'habiller. Mmh. Le fait de traiter mon compagnon, de qu'il est mon chef, la question ne s'est jamais posée. Oui. Voilà, j'ai toujours énormément de respect pour lui. C'est vrai que des fois, bon, je haussais un peu le ton, mais ça ne me dérange pas. Mmh. Je l'accepte, ça. Oui. Oui. Et bah, le fait d'abandonner le monde, quoi. Mmh. De laisser les œuvres du monde, voilà, c'est ça. Tu penses que tu es dans le bon endroit de ce que tu cherchais à l'intérieur pour pouvoir accomplir les désirs de Dieu? Oui. Bienvenue. Oui, au moment où je me suis posé beaucoup de questions, avant d'envoyer le message, je me suis posé des questions, je me demandais si j'étais capable de le faire aussi, mais finalement je me suis dit, dès que j'ai écouté les enseignements, je me suis dit, Aziza, tu dois le faire, c'est important pour toi, et voilà, c'est vraiment pour chercher la paix et la sainteté, quoi. Amen. Ma soeur, tu es libre, tu as vidé ton sac, tu es à l'aise maintenant. Ah oui. Tu es vraiment à l'aise. Oui, oui. Mais quand on commençait, je sentais quand même mon cœur battre. Le fait de parler de tout ça, c'est étrange. J'avais même des douleurs au niveau du dos. C'est, oui. C'est marrant quand même. Maintenant, tu es libre, n'est-ce pas? Oui. Ok. On prend une respiration musicale et on revient dans la deuxième partie maintenant, d'accord? Vous permettez? Oui. Que le Seigneur vous bénisse. Un jour comme ça, où tu te sens seul. Tout autour de toi est noir, tous les piliers de ta vie s'écroulent. Il n'y a plus pour toi aucun repère, plus de frères, plus d'amis, personne pour te tenir la main. Cependant, sache qu'au-delà, qu'au-dessus de ce que tu peux vivre, tu peux sentir ou ressentir. À quelqu'un qui t'aime bien plus que tu ne l'imagines, et qui pour toi intercède par des soupirs inexprimables. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu. Pour toi intercède par des soupirs inexprimables. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. La création t'adore.